À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Et donc, bah, je me suis déguisé, enfin, je me suis mis un casque de motard. J'ai eu les jetons, c'est tout. T'as vu un hérisson sur la route ou quoi? J'ai vu moins. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. À 17, bonsoir, faut se le dire, la deuxième émission de la deuxième saison. On est ensemble jusqu'à 20h en direct. Voilà, il y a du monde autour de la table, ça tourne beaucoup, parce que beaucoup de chroniqueurs qui ont rejoint l'équipe pendant l'année et qui vont continuer à nous rejoindre. Il y a un petit nouveau, on va le présenter tout à l'heure. Voilà, journaliste Guillaume Panettier qui est avec nous. On parlera de beaucoup de choses aujourd'hui. On parlera beaucoup de Toulouse, du bon vivre à Toulouse. De deux manières, il y a deux façons de voir les choses. Le côté, la manière ginger et... celle de Guillaume Panettier. On fera comme d'habitude Logography, Pagography, coup de cœur, coup de gueule. Paola, bonsoir, nous parlera d'éducation. Ça va bien? Bien, merci. Bonne journée. Oui. Avec cet été qui n'en finit plus. Malheureusement, c'est grave. Je dis ça en souriant, mais voilà. On parlera éducation. Tout à l'heure. Oui. On parlera donc Toulouse, je le disais, de Toulouse avec toi, Ginger. Ça va bien? Oui, bonsoir. Bonne journée. Bonsoir. Bonsoir, Ginger. On a Jean-Loup Arzac avec nous aussi autour de la table, ça va bien? Ça va, bonjour. Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent, oui. À l'équipe. Jean-Loup, je remercie beaucoup parce qu'il nous a trouvé deux invités pour ce soir. Et voilà, et on va parler justement de bière artisanale, on vous mettra tous sur les photos avec professeur Houblon, qu'on retrouvera tout à l'heure, Juliane Waeko. Je ne me trompe pas. On vous retrouvera tout à l'heure pendant l'émission. Voilà, dans quelques petites minutes. Merci à Naël à la technique. Je sais qu'il a le micro. S'il a envie de prendre la parole, il a bien évidemment tous les droits. Bah, écoute, merci beaucoup Alexandre de me donner la parole dans cette émission. Et merci à toi de nous la réaliser. Avec plaisir. On retrouvera aussi Louise Lourdeau d'ACTUP. Ce sera pas Louis, ce sera Alexandre d'ACTUP. Ça sera Alexandre. Ah, on sera deux Alexandre, non? Oui, très bien. Alexandre, très bien. Pour tout à l'heure, bien évidemment, des musiques pendant ces deux heures de direct. On est ensemble jusqu'à 20h. On aura aussi des places à faire gagner pour beaucoup de choses. On vous en parlera tout à l'heure. Jingle. Vous aimez Faut se le dire à la radio? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Donc déjà, moi j'ai envie de présenter le petit nouveau qui est avec nous, Guillaume Panettier. Enfin, petit nom, il est normal. C'est normal, oui. Je dis ça, mais voilà. Donc Guillaume Panettier, qui est journaliste, tu vas nous parler un petit peu de toi. Exactement. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Donc oui, je suis étudiant en journalisme à l'ISCP à Blagnac, un grand passionné par le monde des médias et du digital aussi. Mm-hmm. Donc ouais, j'ai fait différents stages, notamment à Toulouse FM, à 2PRL aussi. Ouais. Et donc vraiment le journalisme est quelque chose qui me passionne et j'avais envie justement de découvrir cette émission, faut se le dire. J'avais suivi de près la première saison et Alexandre, on s'embarque pour une deuxième saison qui débute déjà la deuxième émission. C'est ça, c'est la deuxième. Voilà, bien sûr, les absents, je parle des absents, Pierre-Nicolas, parce que vous êtes beaucoup à nous poser la question. Pierre-Nicolas, il est jet-lagué en ce moment. Donc voilà, Pierre-Nicolas revient la semaine prochaine. Il revient de vacances, mais voilà, il a pris l'avion, c'est compliqué. Donc voilà, du coup, il sera là avec nous la semaine prochaine. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question sur les réseaux sociaux. Et c'est bien normal, c'est tonton Pierrot, on est content quand il est là. Et bien, il revient la semaine prochaine. Mais Guillaume, tu nous parleras de Toulouse tout à l'heure. Exactement. Dans quelques minutes. On se tourne vers notre première invitée et on va parler bière artisanale, bière qui fait pas grossir, pas beaucoup. Parce que d'habitude, quand on boit de la bière, on a un gros bidon. Voilà, j'en suis l'exemple même. Voilà, bien évidemment, il faut boire avec modération. On ne le répétera jamais assez. Voilà, on ne vous présente pas n'importe quelle bière. C'est vraiment bière artisanale d'ici. Donc, vous allez nous en parler maintenant. Voilà, avec professeur Houblon. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, comment cette histoire est née? Je crois que ça a commencé quand vous aviez 23 ans et vous avez commencé ça chez vous. C'est ça. En fait, je suis diplômée de l'ENSAT, donc l'école d'ingénieurs agroalimentaires de Toulouse, à Hauteville. Et durant mes études, ma dernière année, j'avais un module pendant les cours, un projet de groupe. On devait développer un nouveau produit alimentaire et on était parti sur la bière. À la fin de mes études, ce projet continue de m'intéresser. On était censé tous partir en entreprise, prendre un travail. Mmh. Et moi, j'avais pas du tout envie de le laisser tomber. Du coup, j'ai décidé de poursuivre l'aventure dans l'entrepreneuriat et de m'inscrire au D2E. Donc, c'est le diplôme étudiant entrepreneur de Toulouse. Et j'ai continué sur ce projet de création d'une entreprise de bière. Techniquement, comment vous avez fait dès le début ? Ça se passait comment ? Parce que c'est pas rien, il y a des machines, j'imagine. Comment on fabrique la bière déjà ? Alors après, moi j'ai investi dans du matériel de brasseur amateur. On en trouve assez facilement maintenant sur internet, sur des tout petits volumes. Donc bon, ça reste du 20 litres quand même, ça, c'est des grosses marmites. Mais on peut le faire chez soi. Et moi, du coup, j'ai commencé comme ça dans mon appartement. Je faisais des recettes, des tests. Je faisais goûter à mes proches, à un peu tout le monde qui voulait bien goûter. J'ai pris les retours et voilà, j'ai travaillé la recette pendant un an et demi. Et après, elle est finalisée. Et là, elle va commencer à être en magasin. D'accord, donc on les a en main, je vais essayer de le montrer. Au niveau des caméras, on fera du super zoom, on fera de... voilà, pour bien voir. Et donc c'est une bière, certaine à moins de 40% de calories. C'est très intéressant déjà, 40% de moins de calories. C'est... Ouais. Et je demandais tout à l'heure, c'est l'équivalent de quoi en nourriture ? Une bouteille de Belladone, donc 33 centilitres. Ça correspond en calories à 3 figues. D'accord. Ah oui, donc c'est pas énorme. On peut voilà, en faisant attention, bien évidemment. Bah, c'est toujours des questions autour de la table. Oui, et Paola. Si 40% moins de calories, à niveau de savoir, est-ce qu'il y a une différence d'une bière complète? Alors, il n'y a aucune différence en termes de goût. En fait, elle va être. C'est une bière en bouche qui est assez légère. Donc, elle est rafraîchissante, qui se boit facilement. Comme, c'est une blonde, en fait. Donc, qui se rapproche un peu d'une blanche en goût. Avec un petit côté un peu citron, un peu acidulé. Mais sinon, en goût, c'est le même goût. Les dégustations à l'aveugle que j'ai pu faire. Par rapport à des bières classiques qu'on retrouve dans le marché, ils ont trouvé qu'elle avait même un peu plus de goût. Donc ça, c'est une bière artisanale aussi, c'est aussi pour ça qu'elle conserve tout ce goût, parce que c'est avec des vrais produits, des vrais ingrédients. Voilà, ça met du temps à être fabriquée. Voilà, c'est de la vraie bière de bonne qualité, fabriquée en France de façon artisanale, mais avec un petit avantage d'être moins calorique. Et c'est quoi c'est quoi la différence de fabrication ? À quel moment, en fait, tu arrives à perdre Alors, du coup, oui, c'est les calories, en fait, dans une bière, elles viennent de l'alcool et des sucres qui restent, les sucres résiduels, il y en aura toujours dans les bières. Et du coup, moi, j'ai décidé de garder l'alcool, mais de ne pas garder les sucres. Donc, c'est dans les sucres qui restent dans la bière, c'est des sucres que les levures ne peuvent pas consommer et transformer en alcool. Donc moi, dans mon processus de fabrication, il est plus long que la moyenne, mais il est fait en sorte que voilà, tous ces sucres qui normalement échappent aux levures, bah, finalement, elles sont consommées et elles sont transformées en alcool aussi. Donc c'est tout à fait naturel, c'est le procédé classique de la bière qui est juste un peu plus poussé, un peu plus amélioré, de façon à avoir naturellement moins de calories. Pour moins grossir. C'est ça. Ou pour en boire plus. Pour en boire plus, oui. Évidemment, je suis obligé de le répéter avec modération. Évidemment. Oui, évidemment. Bien sûr. Et alors justement, cette bière, elle est brassée en France et on va pouvoir la retrouver dans quel commerce ? Est-ce qu'on va être sur des commerces bio, dans des magasins bio ou dans tous les commerces magasins en France ? Alors actuellement, cette bière, elle n'est pas bio. Donc elle ne sera pas en magasin bio, pas pour l'instant, mais c'est quelque chose que j'ai envie de développer, justement, de faire une gamme bio et de pouvoir être en magasin bio. Du coup, là, elle sera en magasin classique, traditionnel, en cave à bière aussi, donc notamment le VNB de la Belge qui va la sortir bientôt, parce que je commence la commercialisation et le VNB de la Belge est le premier qui a fait confiance à mon produit. Super. Belladone, vous avez aussi une autre bière qui va sortir ? Ou il n'y a que celle-là, je veux dire, en Belladone ? Alors, oui, dans la gamme Belladone, pour l'instant, il n'y a que la blonde. Oui. Mais je travaille justement sur d'autres références, donc notamment Je développe une IPA et éventuellement d'autres. Donc, je reste à l'écoute des gens. Donc, je récolte les avis, qu'est-ce qu'ils aiment bien comme bière, histoire de, voilà, de faire une bière que tout le monde, toutes les personnes qui ont des goûts différents puissent trouver une belladone, donc avec le même concept, dans le magasin. Une IPA, on rappelle ce que c'est ? C'est une Indian Pale Ale, donc c'est une bière qui est très forte en amertume et en houblon. D'accord. De la bière ? Alors, spécialiste, je vais dire oui et non. Alors oui, par la force des choses, parce que ben, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je travaille dans ce domaine, donc je dois m'y connaître un peu, notamment sur la fabrication. Après, oui, spécialiste, je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être encore plus spécialisés que moi sur le sujet. Mais je suis un peu plus poussée. D'accord. D'autres questions autour de la table peut-être, ou on reviendra après pour continuer de parler de la bière artisanale, ouais. Bien évidemment. On va se faire une petite pause musicale maintenant. Je regarde à la technique, on me dit que c'est ok. On va commencer par un gold. Elle a un bon gros classique, Raspberries. I wanna be with you, c'est possible, il est calé. On l'écoute, on se retrouve tout de suite après, non, faut se le dire. 18h-20h, c'est faut se le dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. 18h-20h, c'est Fausse le dire. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et vous êtes toujours avec nous sur Radio Occitanie dans l'émission Fausse le dire. On est toujours en direct et en live aussi sur Facebook. Et on est ensemble jusqu'à 20h. Merci Anaël pour la technique. Et c'était Raspberries, I Wanna Be With You. J'ai un petit peu amélioré mon anglais pendant les vacances d'été. Wow. Nous avons avec nous dans le studio, nous aurons aussi des places à vous faire gagner. On va vous en parler tout à l'heure. On a avec nous dans le studio Jean-Mich Mélédard, Festival qui se passe à Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc c'est Laura que je vais... ben voilà, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Mélédard, en fait, c'est un événement autour du rugby et de l'art. Donc, en fait, je fais partie d'une association, les All Wines, qui est une association de rugby, où, en fait, ce sont des amis qui, passionnés de vin et de rugby, ouais, ont créé cette association. À partir de là... Moi, je faisais de la peinture et tout ça. Et donc, du coup, j'ai voulu associer le rugby, ma passion, et l'art. Du coup, dans un jardin, mon jardin, il y a un événement ce samedi, le 14 septembre, ouais, qui regroupe donc des artistes et le rugby. D'accord. D'où vous est venue l'idée de regrouper tout ça, En fait, c'est un peu deux passions que j'avais, avec deux mondes un peu différents. Ouais. Et regrouper un peu tout ce monde-là autour d'une quelque chose de festif et de familial. Mmh. Et puis, donc ça a commencé petitement, ça fait la 10e année qu'on le fait. Mmh. Et ça a pris de la proportion, il y a une douzaine d'artistes, on fait un match de rugby le matin, voilà. Donc c'était vraiment regrouper en plus plusieurs personnes différentes. D'accord. Et dans les artistes, il y a plein de choses très différentes. Oui, tout à fait. Alors, il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a des performances, il y a même aussi, on a eu un jour des mimes, on a vraiment des choses complètement différentes et variées, et des graphes, enfin voilà, et aussi des ateliers artistiques. Mm-hmm. Paola ? Oui, et qu'est-ce que vous faites avec tous les matériels, tous les travaux de création, avec toutes les personnes qui partagent la même passion que vous ? C'est une exposition après, c'est un partage. Voilà, on expose, donc toutes les personnes exposent. Et ensuite, on fait des ateliers artistiques. Donc, c'est-à-dire que les rugbymans viennent participer. Mais aussi, le jardin, il est vraiment ouvert à tout le monde. L'entrée est gratuite. Donc, n'importe qui peut venir dans ce jardin et faire... on a fait, par exemple, graffer des grandes toiles et tout le monde participait. On a même fait de la poésie avec un grand slam où tout le monde participait et chacun avait écrit sa phrase, et c'est vraiment ouvert. Et donc, qui veut participer, participe en fait. Et au niveau des artistes, et ben, eux, ça leur permet de montrer leur travail. Il y a des artistes de plusieurs niveaux, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, ben, après, c'est surtout passé... En fait, vraiment, le but, c'est vraiment de mélanger des populations différentes et la diversité. Parce que finalement, on est tous dans des cases. Quand on fait ce truc-là, on s'aperçoit que le rugbyman qui est assez pato, assez, qui n'a pas peur de foutre un coup de poing quelque part, eh bien devant un tableau, il aura peur. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Autour de l'art, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui chante, par exemple. Oui, il y a un groupe de musique. Il y aura un groupe. Ah oui, mais... Oui, à 18h. On fait la union entre les rugby, c'est comme l'heure, comme quelque chose de fort, et de l'art, qui peut-être c'est un peu plus passionné aussi. C'est possible de faire les mélanges. Oui, oui, c'est carrément possible. Même, c'est, enfin, faut vraiment venir parce que ça se fait de plus en plus, en fait. Et puis, comme c'est la 10e année qu'on le fait, et on arrive vraiment à faire se communiquer finalement les artistes qui ont un peu peur du rugby et les rugbyman qui ont un peu peur de l'art, plus tous les gens qui viennent qui sont des inconnus, puisque vraiment, c'est vraiment ouvert. Et voilà, et vraiment, tout le monde participe. Et c'est, ça se décrète pas, mais c'est assez festif et assez convivial. Puis on a un exemple justement de rugbyman qui aime l'art. On a reçu Omar Hassan la saison dernière. Voilà, un ancien grand joueur de rugby qui maintenant chante à l'opéra, chante le bel canto. Enfin voilà. Fait, ouais. Donc, ouais, là, on a bien vu aussi à ce moment-là qu'on pouvait mélanger les deux. Ginger ? Mais ouais, non. Et puis il y aura un barbecue aussi. Faut le dire. Ah, oui, alors en fait, après, nous, au niveau, on est vraiment une petite structure, donc une petite association. Donc après nous, le jardin est ouvert gratuitement, mais nous après on vend de quoi se désaltérer et de quoi de quoi manger quoi. Donc tout le long de la journée, à 18h il y a un apéro concert avec le groupe le Bounz. Et ensuite voilà et puis alors c'est vraiment une journée quoi, c'est-à-dire ça dure pas le soir, ça ferme à 21h. Parce que quand même, c'est dans mon jardin, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de convivial. Mais la journée, quoi. Voilà. D'accord. Oui. C'est pas fait pour venir à 3h du matin. Est-ce que tu as le programme avec toi ? Oui, tout à fait. Il est fort, ce Jean-Niche. Alors, le programme. En fait, ça va se passer comme ça. Il a ses fiches et tout. On a tout à fait. Vous pouvez voir sur les vidéos. En fait, en live sur Facebook, vous pouvez voir sur les vidéos. Très bien organisé. Alors, à 10h30, en fait, on fait un match de rugby aux Argoulets. Donc ça, tout le monde peut venir voir. Et nous, on va jouer contre une équipe loisir, Saint-Lys. Le loisir, c'est simplement qu'on ne pousse pas les mêlées et qu'on joue très peu au pied. Donc, on est fait pour jouer au ballon. Quoi. D'accord. Voilà. À midi, on fait le repas avec les joueurs et les artistes. Et c'est ouvert. Et le jardin commence à être ouvert. Donc, tout le monde peut venir voir. Tous les stands seront faits, etc. 14h, il y a un spectacle de magiciens, parce que comme c'est familial, il y a aussi pour les enfants, etc. Il y aura toute la journée des expositions, des performances et des ateliers artistiques. Voilà. À 18h, un apéro-concert. Et après, à 21h, je ferme le jardin. Ceux qui sont dans le jardin peuvent rester, mais après, je n'ouvre plus aux autres. Voilà. Donc, ça, c'est le programme général, quoi. Il faut vraiment venir, avoir la curiosité de venir, parce que c'est intéressant et on me réclame souvent de le refaire et c'est la 10e année. Et alors, justement, c'est la 10e édition de ce festival, si je puis dire. Et comment réagissent les gens, la fréquentation aussi des personnes qui viennent, comment ça se passe au sein de cette petite après-midi dans les jardins ? Eh bien, ça se passe naturellement. Mais, alors, déjà, ça se sait beaucoup de bouche à oreille. Donc, ça, c'est comme ça que ça. Et puis maintenant, on fait Facebook et tout ça. Les gens rentrent, mais des fois, il y a des gens qui passaient comme ça par hasard et qui sont rentrés. Des gens qui ne parlaient même pas français et tout. Enfin, vraiment. C'est très sympa. Et donc, un moment familial aussi. Ouais, je les accueille souvent, enfin, parce que je suis quand même chez moi, donc je vois qui c'est qui rentre et tout ça. Je les accueille, on les guide, et puis après, tout se passe naturellement. Les gens, ils veulent faire un atelier, ils le font. D'autres, ils arrivent peut-être à un moment donné où il y a de la poésie, donc ils peuvent y participer, parce que vraiment, on fait chaque fois essayer de participer tout le monde. Parfois, il y aura la chance de voir une performance, etc. Donc, vraiment, il faut venir et puis on peut rester, boire un café, tout ça. Il se passera toujours quelque chose. Moi, j'y serai en tout cas. Oui. Est-ce qu'il y a des... oui, est-ce qu'il y a des, comme équipe, comme groupe, il y a des besoins de matériel d'art, par exemple, de l'huile, des tableaux, parce que faire de la peinture, c'est pas quelque chose... Bah, si, ça peut se faire de partout, la peinture, vous savez, oui. Même sur le corps, si on veut. Donc, je veux dire, en fait, oui, il y a des gens qui vont là, par exemple, faire de la création à l'instant T. Donc, d'accord. Au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de ce qui va se passer, etc., vont agrémenter le jardin, parce qu'il faut investir le jardin quand même, c'est le but, vont agrémenter le jardin de leurs œuvres. Donc, ça va être vivant toute la journée. Donc, en dessin, en peinture, il y aura sans doute aussi des gens qui vont pouvoir participer au dessin, à la peinture, etc. Et vraiment, de façon très simple, il n'y aura pas de jugement sur la qualité des œuvres. Hein. Je veux dire, les gens viennent et puis se font plaisir. Quoi. Voilà. S'expriment. Voilà. Faut s'exprimer. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a autant un mélange côté un peu sportif de s'intéresser à l'art, et c'est aussi l'inverse. Moi, par exemple, j'ai monté un numéro de burlesque pour cette journée spécialement, où en fait, j'ai tout un costume de cabaret, mais en version rugbyman, avec... toute la tenue de rugbyman. Il faut venir le voir. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que le mélange se fait vraiment de tous les côtés. Et chaque fois, on essaye d'améliorer ça, parce que la timidité des uns et des autres, des fois, il faut savoir le briser. Donc, on a un micro, on essaye de, voilà, d'expliquer un peu le travail des uns, des autres. Et voilà. Enfin, franchement, c'est une bonne expérience. C'est intéressant. Voilà. Un site internet pour plus d'infos, une page Facebook peut-être. Alors oui, il faut taper sur Google All Wayne sur rugby et vous tomberez sur la page Facebook. Voilà. Et après, c'est au 39 chemin de Heredia, donc à Toulouse. C'est vraiment pas loin. Et on rappelle la date, c'est quand ? Le samedi, là. Ce samedi, à partir de midi. Et ceux qui veulent voir le match de rugby, c'est aux Argoulets. Voilà. Okay. À partir de 10h30. Si vous aimez l'art, si vous aimez manger, si vous aimez le rugby, si vous aimez boire un peu aussi, et ben, allez-y. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Merci à vous. Passez à la suite. 18h, 20h, c'est Faut se le dire. Présenté par Alexandre Cavassa. Et la suite, c'est avec notre nouveau Guillaume Panetier, évidemment, qui va nous parler de Toulouse. Exactement, je vous parlais de Toulouse, mais cette fois-ci côté tourisme. Ouais. J'avais enquêté justement cet été au mois d'août sur justement que pensent les touristes de la Ville Rose. Alors du coup, j'ai fait une petite chronique sur justement le tourisme en Occitanie à Toulouse. C'est ça. Alors du coup, l'Occitanie a connu un bel été sur le plan touristique. Hein. Selon les professionnels du secteur, le mois d'août a été satisfaisant sur le littoral méditerranéen. La région reste l'une des préférées des Français pour les vacances. Alors pour les professionnels interrogés par le comité régional du tourisme en Occitanie, l'été a été satisfaisant. Plus de 3000 personnes ont été interrogées. Le sondage relève que 70% d'entre eux ont eu une activité stable et voire en hausse par rapport à août 2018, et particulièrement sur le littoral et en montagne pour la région Occitanie. Alors si on se rapproche un peu plus de Toulouse, si je vous dis de vous mettre un petit peu dans la peau d'un touriste à Toulouse, on imagine un peu, il est 11h30 et le soleil est au rendez-vous en ce plein mois d'août ici à Toulouse. Un temps idéal alors pour visiter les lieux incontournables de la Ville Rose. Alors on a eu le témoignage par exemple de Louis qui était accompagné de sa famille en séjour à Toulouse. Il avait casquette sur la tête, lunettes de soleil et plan de la ville entre les mains. Et Louis et sa famille nantaise se dirigeaient vers la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Et donc pour lui, ça a été vraiment un moment voilà, familial, et de voir aussi cette architecture qu'il y a à Toulouse. Il a pu aussi visiter du coup la cathédrale de Toulouse de Saint-Étienne et de Saint-Sernin. C'est ça. Et de Saint-Sernin. Côté par exemple pour Estelle, mère de famille âgée de 45 ans, Toulouse est une ville qui a du charme et qui est dynamique selon elle. Ouais. Et on a eu aussi un autre couple, eux, qui a fait beaucoup parler ici à Toulouse. On a eu Jérôme et Patricia avec leurs trois enfants qui sont venus, eux, par contre, attention, de quelle région ? Du 33 ? De Bordeaux, évidemment. Ah, eh oui, ah, avec les Bordeaux. Canets, tout ça. Alors, eux, s'ils sont même girondins, ils ont apprécié la célèbre place du Capitole. C'est pas vrai. Ils ont eu le sourire sur le visage, téléphone en main. La petite famille était prête à immortaliser son passage à Toulouse par un selfie avec le Capitole en fond. Et lui, Jérôme, était émerveillé par la beauté des monuments toulousains et a été stupéfait aussi de la propreté à Toulouse. Il a comparé Toulouse à Bordeaux et a trouvé que Toulouse était plus propre que Bordeaux, justement. Eh ben voilà. C'était assez marrant. Ouais. Et enfin, on fait un petit dernier tour par évidemment le petit train, le fameux petit train de Toulouse. Alors il y a une petite famille qui s'est installée à bord et qui a visité justement la ville d'une autre façon avant de rejoindre justement le muséum d'histoire naturelle. Et elle a apprécié justement Toulouse de par sa convivialité avec les commerçants de la Ville Rose. Et aussi, dernière petite anecdote, non loin justement de la place du Capitole, la fameuse rue du Thor qui mène jusqu'au devant l'église Saint-Sernin et la basilique Saint-Sernin. Donc l'édifice qui s'élève à plus de 115 mètres de hauteur dans le ciel, et la basilique Saint-Sernin qui est un grand succès pour Toulouse. Et juste devant l'entrée, justement en cet après-midi du mois d'août, c'était environ une vingtaine de personnes qui ont essayé de prendre les meilleurs clichés pour poster par exemple sur Instagram les meilleurs clichés de cet édifice. Et l'ambiance était plutôt calme et assez chaleureuse. Et justement, j'ai rencontré justement Marie et Pascal qui, elles, ont visité la ville d'une autre façon. Alors ça, c'est dans plusieurs villes. Justement, la ville, on l'a visitée à vélo en fait. On avait un guide et le tout à vélo, donc pour essayer de justement de faire du sport et mêler aussi sa passion pour le tourisme. Exactement, ça a fait plaisir. Et donc du coup voilà, Marie était par exemple, disait je me déplace uniquement à vélo, elle venait de Lyon, je me déplace uniquement à vélo à Lyon, et je voulais retrouver cet aspect aussi avec le vélo et le tourisme, cet aspect qu'elle a du coup apprécié à travers justement la fameuse histoire de la rue du Thor. un moment qu'elle a apprécié avec son amie Marie avant justement de rejoindre la Cité de l'Espace et la fameuse Halle aux Machines. Alors, petit point info, la Ville Rose du coup attire toujours les touristes venus des quatre coins du monde et par exemple en termes de chiffres clés, l'année dernière c'était près de 1,9 million de personnes qui ont franchi les portes des monuments et attractions de Toulouse. Et vous, quels sont vos monuments préférés à Toulouse? Monuments préférés à Toulouse, waouh, on va pas commencer par moi. Ouais. Quel monument, la Tour Eiffel, non c'est pas la même. Un monument préféré à Toulouse. Ouais, tout est beau à Toulouse. Bah oui. Bah, vous n'avez pas peut-être un site particulier, un site préféré, la Cité de l'Espace? La Dorade, c'est sympa, ouais. L'été, ouais, en plus. La Dorade, c'est bien. Oui. Et puis même au Brou du Thor, ouais, c'est vrai qu'ils ont tout refait en plus autour de l'église. Hein. Ça a été, il y a des arbres, tout ça, oui. Enfin, voilà, plantons des arbres un petit peu. L'autre fois, j'ai vu trois abeilles, je tenais à le dire. Au niveau des allées Jean Jaurès, ils sont en train de tout refaire. Elles reviennent. Et donc forcément, il y a des fleurs qui ont été plantées et tout ça. Et voilà, il y a terme, ça serait bien. D'ailleurs, sur ces allées-là, j'ai vu un truc ce matin. Qui disait qu'ils avaient fait un appel pour demander un peu aux gens ce qu'ils avaient envie qu'il s'y passe et comment construire un peu ces allées. Et apparemment, il n'y a pas grand monde qui a répondu. Ah oui. Et dans cet article, du coup, j'ai cherché comment y répondre, mais j'ai pas trouvé. Faut que tu ailles sur le site de jeparticipe.toulouse.fr. T'as toutes les participations justement des Toulousains pour justement les appels à projets. Comme mais attention, justement, l'appel à projet se termine le 21 septembre, il me semble. J'ai fait un article dessus. Okay. J'ai quand même le temps de demander un funiculaire ici. Je l'avais demandé déjà à Jean-Michel Hatt l'an dernier quand on l'avait reçu. J'ai dit, est-ce que Tisséo pourrait pas faire quelque chose pour la vue de la gloire? Ouais, Paola. Oui, comme étrangère, pour moi, j'ai adoré la première visite à Capitole. Ah, c'est beau. C'est très beau parce que au début, tu penses que seulement c'est un building, mais quand tu entres, tu peux percevoir l'art, tous les murs de peinture, la décoration. Ouais. Mais c'est très joli. Et surtout conservé dans l'état, c'est ça aussi qui est assez admirable. J'ai adoré. Oui. Il date de quand le Capitole d'ailleurs, on le sait. Il y a très longtemps. Oui. Il y a longtemps. Ça fait un moment en fait qu'il est là. Ouais. Moi, ça fait 11 ans que je suis là, ça doit faire 12-13 ans. Il était là il y a plus de 11 ans, ouais, ça c'est sûr. Ouais. En plus, c'est vrai que Toulouse, moi quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai vu une ville où tout était beau. C'était pas dénaturé. Moi, je viens de Marseille, et c'est vrai que c'est pas mal. C'est dénaturé parce qu'on a un maire qui est complètement barjo là-bas et qui fait construire des tas d'immeubles en plein milieu de trucs qui n'ont rien à voir. T'as du moderne et de l'ancien, mais pas beau. Et c'est vrai qu'en arrivant à Toulouse, et puis surtout, c'est noir de pollution. C'est très pollué Marseille. Et du coup, les immeubles ils sont gris alors qu'ils sont blancs à la base. Et voilà, il y a Toulouse. Il y a cette cohérence. Surtout quand je suis arrivé il y a 11 ans, il faisait justement des travaux pour rafistoler un petit peu la ville. Et c'est vrai que c'est une jolie ville, quoi. Donc c'est normal que les touristes s'y plaisent. Et puis il y a un art de vivre. Et puis on y fait de la bonne bière. Voilà. Avec Professeur Roublon, bien évidemment. Bah oui. Ça fait. Ouais. Bah c'est vrai, ça fait un petit moment que. J'apprends à faire des transitions. Ouais, un quartier. Un quartier, ouais. J'aime bien le quartier. Ouais, ah, c'est ce que j'avais dit, les Carmes. Bien sûr, quartier des Carmes. Saint-Aubin. Saint-Aubin aussi, ouais, c'est mon quartier. Ouais. J'aime. Ouais. Ou alors Victor Hugo aussi, ce serait un petit nocturne pour les gourmands. J'ai faim, en plus ça s'entend pas, j'espère que mon ventre gargouille depuis jusqu'à 22h. Ça fait 31 minutes, mon ventre est là. Et je crois qu'il y a des chips. Elles sont vertes depuis un petit moment, les chips. Très bien, visitez Toulouse, continuez. Il fait encore beau, et puis même Toulouse sous la pluie, c'est joli. Ça reste une très jolie ville. Je suis tombé amoureux il y a 11 ans. Exactement. On devrait écouter Toulouse de Nougaro, du coup. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On va créer un jingle, c'est comme chez Nouna. Si tu veux, je te le trouve avant la fin de l'émission. Non, ça ira. On va s'en passer. On l'a, mais de toute façon, on a un Toulouse spécial pour tout à l'heure, parce qu'on reparlera justement de notre belle cité mondaine. Avec un super jingle. Avec toi, Ginger. Avec un super jingle qu'on a bien bidouillé cet après-midi. Voilà, on y a passé des heures. Des heures entières, c'était des nuits. On parlera d'Act Up, ça sera tout à l'heure. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous faire un petit brief de ce dont on va parler justement avec Alexandre, qui sera là, notre Alexandre, pas moi. Oui, on va parler de ce qui s'est passé là récemment, mardi, il y a eu un procès. Ouais. Manif pour tous a porté plainte contre Act Up Sud-Ouest pour des propos diffamants lors d'une réunion en 2017. D'accord. Manif pour tous était venu faire une réunion à Toulouse pour parler de ce qu'ils défendent, et Act Up était là bien sûr pour ne pas que cette réunion ait lieu, parce que la Manif pour tous est quand même homophobe, il faut le rappeler, Voilà. Donc on en parlera avec Alexandre dans quelques instants. Voilà, on parlera aussi de l'association avec Action Vaincre, exclusion des citoyens. Ça sera tout à l'heure en seconde partie d'émission. On a un conducteur qui est tout prêt, mais comme les invités sont là, peut-être on le fera rentrer avant, pendant. On verra. En attendant, on va se mettre un petit peu de musique. Non, faut se le dire. En musique, on va passer tout simplement Boulevard Désert et Vianney. Allez, reste, qu'on peut commencer à faire tourner. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. 18h-20h, c'est Faut se le dire. Présenté par Alexandre Cavassa. Vianney, Boulevard Désert. Allez, reste, c'est les airs du direct. On est au téléphone. Vous êtes bien toujours à l'écoute de Faut se le dire. On est ensemble toujours jusqu'à 20h. Et on est joignable, j'allais dire. On peut nous trouver sur les réseaux sociaux. J'ai des places. Nous avons des places à vous faire gagner. Deux places de cinéma Gaumont. Au cinéma Gaumont, bien évidemment. Voilà, deux places de cinéma pour le film de votre choix. Vous pouvez y aller en amoureux. Vous pouvez y aller entre amis. Vous pouvez y aller seul avec votre ami imaginaire. Ça marche aussi, je pense qu'il n'y a, pas de souci de ce côté-là. Voilà, c'est deux places à faire gagner. On a également 4 entrées pour le Labyrinthe et Château de Merville. Pour cela, c'est simple. Vous, pour savoir à quoi ressemble le Château de Merville, si vous ne connaissez pas, vous allez sur le site, tout simplement, labyrinthedemerville.com. On vous mettra de toute façon tout ça sur les réseaux sociaux. Pour gagner, c'est simple, vous nous appelez, c'est la première fois que je fais ça, je me régale, je vais la refaire. Pour gagner, c'est simple, vous nous appelez au 05 61 80 40 40, 05 61 80 40 40, ou alors vous nous laissez tout simplement quelques petits mots gentils, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, c'est le plus accessible, voilà, parce qu'on est également en vidéo en direct, donc vous commentez, et on fera un tirage au sort demain, et vous saurez si vous avez gagné ou pas, et de là, vous viendrez les récupérer à la radio, et en plus de ça, je vous offrirai un petit café ou un petit thé. Voilà, donc 4 places pour le Labyrinthe et Château de Merville et 2 places au cinéma Gaumont à Toulouse. Voilà, et tout simplement, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis très content et je remercie celui qui nous a passé tout ça. Jingle, vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. Vous aimez Faut se le dire à la radio ? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Et maintenant, on va passer au Gorafi. Pagorafi. Oui, c'est trop bien. Voilà, parce que c'est un jeu que j'aime bien faire. On va se mettre une petite musique de fond des familles, voilà, pour s'accompagner gentiment. Tout de suite. 20h, c'est Faut se le dire, présenté par Alexandre Cavassa. Alors, Gorafi, Pagorafi, c'est simple. Même le troisième invité peut se rapprocher avec une chaise. Je ne sais pas si oui, on va se débrouiller, on va faire un petit peu de place, ou je ne sais pas trop, à la caméra. C'est toi. Alors, Gorafi, Pagorafi, c'est tout simple pour les nouveaux et pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut deviner si l'info est vraie ou si elle est fausse. Alors, je dis si elle est fausse. Okay. Avant, on disait Gorafi, Pagorafi, mais maintenant, le souci, c'est que j'ai découvert d'autres sites. Voilà, je me suis dit, on va les mettre aussi, qui sont NordPress, bien évidemment, et Secret News, voilà, qui diffusent de fausses informations. Mais pour rigoler, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent au sérieux. Donc, on va essayer de montrer que des fois, faut arrêter d'être couillon, quoi. Il y a des gens qui le croivent. Il y a des gens qui le croivent, ouais. Alors, on va commencer par un petit... Voilà. On n'est pas sur Skyrock. Qu'est-ce qui s'est passé, Esther? On fait attention. Un redémarrage de l'ordi nécessaire pour le bon fonctionnement de cette radio. D'accord, il a été fait ce matin quand même, je crois. Alors, on va commencer avec une première info. Les grenouilles d'un étang obtiennent l'expulsion d'un couple de Parisiens un petit peu trop bruyants. C'est vrai. Ou faux? C'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Jean-Loup dit vrai? Ouais. Je pense que c'est vrai. C'est tellement absurde que je dirais vrai aussi. En technique, on dit faux. Quoi à propos des grenouilles? Ils sont en train de faire redémarrer l'ordinateur. Alors. Il y a plusieurs vrais, il y a une majorité de vrais, oui. Remarqué. Ouais. Eh ben, vous avez le nez creux, parce que c'est totalement faux. J'avais raison. Voilà, Dordogne, l'affaire avait fait grand bruit, mais le jugement est tombé ce jour. Un couple de Parisiens récemment installé à Périgueux va devoir faire ses valises, mais c'était totalement faux, bien évidemment. Voilà, des grenouilles ne portent pas plainte. Ça serait chouette quand même. Mais ça serait chouette. Ça serait grenouille, ma vanne était pourrie. Allez, on passe à la suite. Donc c'était Logographie, bien évidemment. Tarbes, il vole une voiture de police, active la sirène, insulte les policiers au mégaphone et percute la bague. Oui, je l'ai vu, c'est vrai, Oui, c'est vrai, je l'ai vu aussi. En plus, c'est chez moi, quoi, ils sont tarés. Vas-y, Non, mais c'est bon, j'avais trouvé aussi que c'était vrai. Oui. Ah. Eh bien, c'est totalement vrai. Voilà, et Tarbes, j'ai une affection pour Tarbes particulière, et voilà, je me comprends. Et voilà, et c'est vrai que. Et moi, j'avais pas lu jusqu'à la fin, parce que j'avais mon pote Clément qui était là et qui rigolait. Et je m'étais arrêté, moi, à. insulte les policiers au mégaphone. Voilà, j'imaginais la scène, bien évidemment. Ensuite, je capte que ça tarde, donc je rigole encore plus. Et, oh. Et là, je vois à la fin, et percute la BAC. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Et voilà. Et le mec est allé jusqu'au bout. C'est passé tard dans la nuit du samedi 7 septembre. Voilà. Et c'était un mec qui était complètement bourré, bien évidemment. Évidemment. Je vais le dire. Les Tardais ne sont pas comme ça. Hein. Ben non, je sais qu'ils ne sont pas comme ça. Mais voilà. Non, mais je pensais à d'autres copains. C'est une grosse private joke, en fait. C'est pour ça. Ça n'a rien à voir. J'aime beaucoup Tarbes. C'est très joli. Il y a des palmiers magnifiques à Tarbes. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a une allée où t'as beaucoup de palmiers. On dirait Hollywood. C'est fantastique, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il ne faut pas le faire. Ne faites pas ça chez vous, ni à Tarbes, ni à Toulouse, ni ailleurs. C'est pas bien. Voilà. Mais on reviendra justement à ce genre de comportement vers la police et surtout vers les pompiers. Ça sera mon coup de gueule du jour. Voilà, une incompréhension totale. Allez, on continue avec le Gorafi Pagorafi. Un homme détenu 82 jours pour avoir apporté du miel aux États-Unis. Du miel qu'on prenait pour de la drogue. Oui. Oui. Oui, il doit y avoir de la drogue dans le truc. Quoi. Ouais, j'irai ouais, oui, c'est aux États-Unis. Eh ben, c'est pas Gorafi, miel ou drogue pour les douanes américaines. Difficile de faire la différence au détriment d'un homme détenu pendant 82 jours à la suite de cette erreur d'appréciation. 82 jours de détention pour rien, le laboratoire utilisé pour les premiers tests n'est pas suffisamment équipé pour analyser ces liquides. Voilà. C'est complètement con, t'as qu'à goûter, tu verras que c'est du miel. Hein. Enfin, pas se mentir. Je sais pas sûr, mais... On continue, foutu pour foutu, Yann Moix va sortir un recueil de ses bandes dessinées antisémites, vrai ou faux ? Faux. Faux. Ouais, faux. Non, quand même, non. Voilà, c'était faux, c'était Nord-Presse. Voilà. C'était Nord-Presse, bien évidemment, c'était totalement faux. Japon, un ministre désavoué après avoir évoqué le rejet en mer des eaux contaminées de Fukushima, qui s'élève à plusieurs tonnes... Voilà, de déchets radioactifs dans les océans. C'est vrai ou c'est faux, c'est oui. Tout Japon. Malheureusement. Ouais, ouais. Malheureusement. Moi, ouais. J'étais ouais. Sur la machine gérale. C'est vrai que j'ai toujours raison. Ouais. Voilà, c'est complètement vrai. Lors d'un projet de presse, voilà, il a expliqué aux journalistes que le rejet en mer était le seul moyen, tout en ajoutant qu'il s'agissait d'un simple avis hein, et que le gouvernement, dans son ensemble, allait en discuter prudemment. Je crois que l'affaire est classée. Je sais pas trop, mais je crois que c'est non. Ils vont trouver un autre moyen. Évidemment plus logique, voilà. Ça revient à ce que je disais, je pense que c'était l'an dernier, où j'en avais un petit peu ras-le-bol, qu'on demandait au peuple de faire des efforts et que derrière, les responsables politiques prenaient avaient des idées pareilles. Voilà. Et là, le Japon est passé pas trop loin d'une nouvelle catastrophe. Allez, on continue dans la rigolade, la joie et la bonne humeur. Sibeth Ndiaye, donc la porte-parole du gouvernement, promet que les pesticides s'arrêteront aux portes des habitations. Ouais, je pense qu'elle l'a promis. Après, je sais pas si ça se passe. Parce mais... que, je donne des indices. On nous avait dit aussi que quand ça avait pété à Tchernobyl, ça allait contourner. Voilà, ça ne dépasserait pas la frontière. Donc, évidemment. Ça serait pas la première fois. Donc, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Elle a dû le dire. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Anaëlle ? Ouais, je ne sais pas non plus. Ouais, peut-être. Oui, c'est totalement faux, c'était Secret News. Voilà, et en fait, je voulais parler de cette info-là parce que là, récemment, ça a été voté, je crois, par le gouvernement. Enfin, le gouvernement est d'accord pour que les pesticides, voilà, finalement, soient pas plus proches de 5 ou 10 mètres des habitations, ce qui est complètement ridicule. Enfin, à mon humble avis, je sais pas. Je ne suis pas expert, mais je pense que c'est quand même encore un petit peu trop près. Voilà, sur ce que vous en pensez autour. Si, si, ouais. Moi, je sais pas si vous l'avez vu, il y avait un reportage à l'époque sur Envoyé spécial, où ça se passait en Gironde, et autour des vignobles, certains enfants avaient des pesticides dans le sang, ils avaient fait des prises de sang, justement, ils avaient vu que c'était assez nocif, justement, pour la santé d'habiter proche des vignes, justement, en Gironde. D'accord. Et je crois qu'à Toulouse, ça, ils ont fait attention pour tout ce qui est pesticides dans la ville, par rapport à l'entretien des zones vertes et tout ça. Ils n'utilisent rien de chimique. Ils doivent avoir une réglementation à niveau d'agriculteur aussi. C'est pas une chose libre. Oui. Non, non, excusez-moi, je suis à un moment de... Parce que je regardais la technique, parce que c'est clair, le téléphone sonne depuis tout à l'heure et je demande à Anaëlle de répondre parce que c'est peut-être un auditeur, justement. Bien. Si c'est pas un auditeur, tu pourras accrocher et dire que tu es en direct, bien évidemment, et qu'il faudra rappeler demain. Les pesticides, Ils vont, comme le nuage de Tchernobyl, il va pas s'arrêter. Bien évidemment, il y a du vent, je veux dire, on a de la... Voilà, bon, je rappelle que ça n'a pas été dit. Mais voilà, c'est vrai que c'est loin encore une fois. On nous demande de faire attention. On nous a quand même dit que c'était pas trop dangereux, les pesticides, que c'est pas ça qui allait nous créer des problèmes, alors que c'est prouvé. Enfin, au bout d'un moment, faut, notamment aux États-Unis, celui qui a obtenu gain de cause, bon, il va mourir parce que. Il a un très très gros cancer, donc voilà, à cause de tout ça. Allez, on continue. Nice, 8 mois de prison avec sursis pour avoir planté du cannabis dans une forêt. pas n'importe où, pas chez lui, pas dans, dans une forêt. Oh, mais on l'a tous fait au moins une fois. Bien évidemment, ça je rappelle que toi. Que la consommation de cannabis est nocive pour la santé, que c'est pas bien, qu'il faut pas fumer. Voilà. Faites vrai, du sport. Faux. Vrai, faux, on s'en fout. Hein. Moi, je pense qu'on s'en fout. Je dirais vrai. Je pense que c'est vrai. Bah, oui, c'est, oui, ça serait tellement possible. Possible. C'est totalement oui, vrai. Ça, vrai. Oui, je pense c'est mieux que dire vrai. C'est tellement possible. Probable. Ben, c'est totalement vrai. Hein. Des plans hauts de 1,20 m ont été découverts par un cycliste dans la forêt de Mont-Sartoux. L'agriculteur en herbe a écopé de 8 mois de prison avec sursis. Il pourrait faire comme professeur Roublon, faire du cannabis moins calorique. Voilà, donc je répète, hein, fumer, c'est pas bien. Voilà, ne oui, le mais pas. La mort des neurones sera aussi évident. Ouais. Bah justement, j'allais justement vous parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'on demande de plus en plus oui. des pénalisations. Qu'est-ce que vous en pensez autour de... Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer. Hein. Je sais que des fois, c'est des sujets. Moi, je suis d'accord. Hein, parce que pour, bah, ouais, parce, déjà pour le médical, parce qu'on a, on a trouvé que c'était efficace contre les maladies de Parkinson, par exemple, ouais. les maladies neurodégénératrices, justement. Liés aux neurones et après ouais. bah, la consommation récréative oui aussi oui ça éviterait les trafics tout ça enfin voilà ça rapporterait évidemment l'argent à l'État via la TVA évidemment aussi en plus mais quand même avec une grande quantité d'informations pour savoir toutes les choses qui et sont les mal risques, pour oui, la santé sûr, oui. comme par exemple toute la destruction de le cerveau comme l'alcool d'accord c'est pas oui c'est avec, sympa mais il y a des problèmes de santé mm-hmm. c'est évident. Et avec toute l'information, c'est mieux pour prendre une décision si fumer ou pas. Mais l'information, c'est primordial. Et puis après, on parle du cannabis qui peut être bon pour la santé, mais on ne parle pas du cannabis que tu achètes en bas de ton immeuble, mélangé à plein de trucs. Et, tu vois, il y a cannabis et cannabis. Après, je pense, j'ai l'impression qu'on parle de soit tout autoriser, soit tout interdire. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver peut-être juste au milieu, sur certains oui, mais points, l'autoriser un petit peu, enfin l'autoriser, comme ça a été fait au Québec, je crois, où justement il y a des officines où ils vendent du cannabis vendu par l'État. Et, et ça se passe bien. C'est et, maîtrisé. C'est maîtrisé, voilà, où c'est maîtrisé. Il y a déjà exactement. Le CBD un peu pour ça. Oui. Et c'est déjà, il y a déjà des magasins à Toulouse même. Mmh. Le CBD, c'est quoi? Le CBD, en fait, si tu veux, c'est. Bon, je suis pas professionnel, hein, mais c'est un peu tout le côté médicamenteux que tu peux trouver dans le cannabis. Et ça, c'est légal. Comme palliatif. Ah oui, déjà à Toulouse. Voilà, ouais. comme palliatif. C'est et trop oui, ça, sur Internet, il y a aussi. Je sais qu'il y a une boutique à Toulouse qui en vend. Et voilà quoi. C'est bien. Déjà, hein. en fait. Ouais. Mais avec presque une ordonnance ou quelque chose pour... Non, tu peux l'avoir sans ordonnance. Et, en fait, et t'as un pas âge, les côtés dépend de l'âge de la personne aussi. Ça, je ne sais pas. Mais je sais juste que tu n'as pas les côtés psychotropes et un peu de défonce, mais que tu as le côté apaisant et calmant. Relaxant. Oui. Les côtés relaxants du cannabis. C'est vrai qu'à La Réunion, je suis réunionnaise et il y a un peu les remèdes de grand-mère, d'infusion. On utilise, ouais, justement, peut-être du cannabis. Moi, non. Non, mais à La Réunion, non, mais à La Réunion, c'est, ouais, c'est des remèdes de grand-mère il y a très longtemps. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de trafic, mais ça pousse tellement facilement que même les mamies, elles se retrouvent avec un petit pied et elles utilisent pour faire leurs infusions parce qu'elles ont des douleurs articulaires ouais. et que ouais. ça les aide. Mais aucune idée, c'est l'infusion, c'est pas le même effet que fumer le cannabis. Ok, bon, bah, en tout cas, voilà. Ils chacun un avis différent. Moi, personnellement, j'aurais arrêté de fumer même des cigarettes il y a un an. Non, parce qu'on a un invité par téléphone. On continuera le jeu juste après. On a justement l'invité, parce qu'il y aura d'autres questions, hein, Gorafi, pas Gorafi. C'est une première, on va la couper en plein milieu. Et je demandais aussi tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais plus ou moins absent, je vais y arriver, parce que on a un auditeur qui a appelé pour gagner des places. Voilà, comme c'est notre première fois que ça arrive, ça m'a un petit peu ému. Et voilà, donc on le rappellera tout à l'heure pour le faire participer à l'antenne et lui dire que bien évidemment, il a sûrement gagné. Et juste Alexandre, je te rappelle qu'il écoute du coup cette personne. Et ben voilà, il écoute, personne, mais on va l'appeler quand même. Voilà, pour participer, on va vous rappeler tout à l'heure. En attendant, nous avons Alexandre téléphone, act up. On va couper la musique de fond, peut-être. Oui, Alexandre. Oui, Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Et légalisons le cannabis, d'ailleurs. Ah, très bien. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de souci. L'appel est lancé. C'est Emmanuel Macron qui nous écoute sûrement. On tiendra compte, bien évidemment. Donc, je vais laisser Jean-Loup. Je laisse la main à Jean-Loup, voilà, qui va expliquer la situation. Je la prends. Donc Alexandre Nieto, bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre merci à vous. Aux questions. Donc, suite au jugement qui a eu mardi 10 septembre, qui opposait la Manif pour tous et ACT UP. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce qui s'est passé? C'est une affaire qui remonte à mai 2017 lors d'une conférence de la Manif pour tous à Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Tout à fait. La charmante présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère, venait à Toulouse dans le cadre d'une conférence. Et nous, depuis que la Manif pour tous a été créée, se mobilise contre l'accès aux droits pour les personnes LGBT, on se mobilise aussi pour dénoncer leur discours qui a des conséquences claires sur la vie des personnes LGBT. Du coup, on a mené une action ce 30 mai 2017 pour dénoncer sa venue, donc quelque chose de classique avec ACT UP, avec jet de faux sang et des affiches. Et la Manif pour tous a porté plainte contre l'ancienne présidente, Louise Lourdou, pour injure publique, notamment sur les termes assassin et Manif pour tous complice du sida. Et le procès était donc, comme tu l'as dit, mardi dernier. Voilà. Dans la Manif pour tous, c'est homophobe alors? Eh bien écoute, oui, la Manif pour tous est clairement homophobe, elle se mobilise contre l'égalité des droits, c'est donc se mobiliser pour des discriminations. C'est donc aussi être homophobe. Et je rajouterais que depuis 2013, en fait, tous les ans, vous avez un rapport d'SOS homophobie qui sort avec des témoignages sur les violences et les agressions faites aux personnes LGBT. Et en 2013-2014, il y avait eu plus de 78% de témoignages suite aux mobilisations et à la visibilité qu'a eu le discours LGBT-phobe avec la Manif pour tous. Il faut se souvenir qu'on avait BFM TV et tous les médias français qui étaient en live direct pendant 5 heures pendant les grosses manifs qu'il y a eu, qu'on a invité tous ces gens qui sont venus un petit peu sur le plateau exprimer leur opinion, mais aussi se mobiliser avec des groupes comme Civitas, des groupes réactionnaires néofascistes, enfin voilà. Comment s'est passé le procès alors mardi? Écoutez, nous, à TUP Sud-Ouest, évidemment, on soutient notre ancienne présidente, donc on a organisé un rassemblement. Écoutez, le procès, ça s'est plutôt bien passé puisque le procureur a demandé la relaxe suite à la plainte. Voilà. La relaxe, c'est donc le délibéré, c'est le 10 novembre. Le 26. On aura le résultat le 26 novembre, ouais. Tout à fait. Oui. Voilà, on espère qu'il sera en notre faveur parce que voilà, sinon c'est la porte ouverte aussi à ce que la Manif pour tous puisse tranquillement distiller son discours de haine et qu'on ne puisse pas aussi argumenter, contre-argumenter. Et notamment, vous savez que le 6 octobre, ils ont prévu de se mobiliser à Paris contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Donc, voilà, il va y avoir sûrement à nouveau les invités de la Manif pour tous sur tous les plateaux télé, à nouveau pour expliquer que les personnes LGBT ne sont pas tout à fait normales, que les personnes LGBT n'ont pas les mêmes droits. Voilà, donc ça aussi, on est particulièrement vigilants parce qu'on a vu les effets que ça a eu. Voilà. C'est quoi leur but alors, la Manif pour tous? Écoutez, moi, leur but, c'est de défendre une société réactionnaire, une société d'un ancien monde, une société sexiste, une société homophobe. Voilà. Donc, nous, c'est pas notre projet de société. Donc, voilà, ce qu'on appelle aussi les gens à être vigilants, se mobiliser face à eux et à pas leur laisser le champ libre. Parce que leur discours, une nouvelle fois, il a un véritable effet quand vous allumez la télé, vous écoutez la radio, que vous les entendez. Vous savez, là, en plus, le 10 septembre, c'était la journée mondiale de prévention contre le suicide. Les personnes LGBT, ils ont une prévalence aux tentatives de suicide 4 fois supérieure aux jeunes hétérosexuels. Donc, il y a une vraie question aussi de santé publique de se mobiliser pour dénoncer ces discours. Voilà. Alors, vous avez dit, là, pour la Manif pour tous, ils vont se reformer et enfin partir en manifestation contre la PMA. Justement, vous en pensez quoi, vous, de la PMA, de cette donc ouverture pour toutes les femmes, mesure phare du projet de la loi bioéthique? On défend l'égalité d'accès et l'égalité aux mêmes droits pour tous et toutes. Donc voilà. Après, nous, on est une association de lutte contre le sida. Pourquoi on se mobilise contre la Manif pour tous, en fait, il faut un petit peu l'expliquer parce qu'on était aussi poursuivis pour le terme complice du sida. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, se mobiliser contre des minorités qui sont touchées par l'épidémie de VIH-sida, c'est aussi être complice des contaminations. Ça veut dire empêcher des campagnes de prévention ciblées. On est une asso qui fait aussi de la prévention et de la réduction des risques en milieu festif LGBT. En 2016, vous avez pour la première fois depuis le début de l'épidémie de VIH, une campagne publique dans l'espace public à destination des personnes, alors dans le jargon de la lutte contre le sida, on appelle les personnes HSH en ayant des relations sexuelles avec des hommes. La manif pour tous, c'est aussi à mobiliser contre et à dénoncer cette campagne de prévention. Il y a des maires proches de la manif pour tous qui ont fait enlever les affiches. Donc vous voyez un petit peu, c'est des questions, l'égalité des droits, c'est aussi des questions de santé. Et se mobiliser pour l'égalité des droits, c'est aussi se mobiliser contre le sida. Voilà, tout est lié en fait. Donc la PMA, c'est une très bonne chose. On espère que normalement ça devrait passer. Oui, le projet de loi sera examiné dans l'hémicycle le 24 septembre prochain, donc très prochainement en fait. Voilà. Je crois qu'il a été voté en commission à l'Assemblée nationale hier, il me semble. Oui, c'est ça. On peut vous retrouver où, ACT UP, vous, à Toulouse? Ah bah écoutez, on peut nous retrouver dès ce soir, place Saint-Pierre. En fait, on peut nous retrouver un petit peu partout. On a des actions de prévention et réduction des risques avec un collectif qui s'appelle Fait-on plus risque au moins. Donc, on est présent toute l'année sur des concerts, des festivals, dans la rue, place Saint-Pierre à Gabriel Péri. On fait la tournée des bars. Notre local, donc, c'est à Saint-Michel. On a une permanence d'accueil sociale pour les personnes séropositives discriminées en raison de leur statut sérologique, les personnes LGBT discriminées le mardi à l'espace des diversités, au 38 rue de Buisson. Et sinon, on peut nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, un petit peu partout. Quoi. Voilà. Sur les réseaux, évidemment, bien sûr. Voilà. Ben merci. Merci Alexandre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci. On mettra tous les liens, bien évidemment, sur le podcast et la page Facebook de l'émission pour vous retrouver. Merci beaucoup et merci bonne soirée, bon courage merci. Pour le combat. Merci beaucoup. Au revoir. Faut se le dire avec Alexandre Cavassa de 18h à 20h. Et on a eu des places, on a des places à faire gagner. Et on a eu, moi je suis touché parce que c'est notre première auditrice voilà, qui est avec nous au téléphone. Alexandra, bonsoir. Ah. Parler, en fait oui. La parole, ça soigne. Allô ? Oui, allô ? Oui. Alexandra ? Oui. Bonsoir, c'est Radio Occitanie, il faut se le dire. Ah oui, enchantée d'être direct. À Radio Occitanie. En direct, ah, ouais, avec Jean-Loup, parfait. Merci. Voilà, vous nous avez appelé, c'est la première fois, vous êtes la toute première à gagner quelque chose de l'émission, faut se le dire. Et vous gagnez une entrée pour le Labyrinthe et Château de Merville et également une place pour le cinéma Gaumont, le film de votre choix. Voilà, donc vous passez. On verra les modalités hors antenne. Mais voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Et bravo, moi j'applaudis. Voilà, vous avez appelé, vous êtes notre toute première auditrice à nous avoir téléphoné. Oui, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et en fait, je suis ravie de ce que vous faites, Radio Occitanie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de parler de la bibliothèque vivante. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller et c'était magique. D'accord. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à y aller parce que c'est vraiment une expérience qui vous transforme. Et dans nos vies, on a souvent besoin d'un peu plus de magie. Voilà, donc merci d'en avoir parlé parce que c'est vraiment quelque chose de très spécial. On va en parler tout de suite. On en a parlé un petit peu et là, on va en parler vraiment. Il va y avoir l'interview justement qui va suivre. Et est-ce qu'on peut faire comme toutes les autres radios là ouais. Et quelle est votre radio préférée? Quelle est votre radio préférée? Radio Occitanie. Bien, bravo. Vous avez gagné la valise RTL 2000 francs. Merci beaucoup à Alexandra. Oui, et donc je vous remercie une beaucoup. Place de ciné et une place pour le Labyrinthe de Château de Merville. Et pour plus d'informations, labyrinthedemerville.com. On passe à la suite. Vous êtes à l'écoute de Fausse le Dion. On se fait un petit jingle tranquillement et la musique de fond. Musique de fond. Lance musique de fond, Jean-Loup, tu vas voir. Comme ça, on a la petite musique de fond qui nous accompagne jusqu'à... pendant l'interview, justement, parce qu'on parle donc de l'association avec Action pour vaincre l'expulsion. Et nous avons avec nous Farida... Aola Domar, qui était avec nous. Je m'en mets les pinceaux, parce qu'en fait, je ne lisais même pas le bon endroit. j'ai failli vous appeler sur la lune, parce qu'il y a musique Big Flo Yoli. Je lisais à côté. Donc, vous êtes avec nous pour parler de cette association qui consiste... Donc. Alors nous, on est AVEX, ça veut dire Action pour vaincre l'exclusion de citoyens. Ouais. On est une jeune association, on s'est créée en janvier 2015. Donc c'est une association que j'ai créée avec Sarah Barrière, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'elle doit nous écouter. Et en fait, au départ, donc c'est l'objet social de l'asso, c'est l'accès aux droits communs. pour les personnes en situation de vulnérabilité. Donc on a un volet social où on fait plutôt de l'accompagnement social de ressortissants européens en précarité, donc essentiellement roms. Et on a aussi un volet culturel pour lequel je suis un peu ici pour présenter un petit peu la programmation de la fin 2019. Et on fait notamment des projets dans les quartiers dits prioritaires de Toulouse. Mmh. Et on fait notamment des bibliothèques vivantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque vivante ? Alors, vous, autour de la table, qu'est-ce que ça vous inspire, une bibliothèque vivante ? Une bibliothèque qui parle, qui dit des choses. Un livre qui compte une histoire. Mmh. Ouais. Et qui sont les livres, parlent. Alors ? Des personnes ? Oui, bravo ! C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on a remplacé les livres de papier par des livres humains. Et en fait, ces livres humains vont partager en bout de leur vie une expérience, des passions à une autre personne qu'on appelle un lecteur. Et en fait, ces livres humains, nous, on va les chercher dans les quartiers prioritaires, puisque l'association, ça s'appelle Action pour vaincre l'exclusion des citoyens. Donc, on donne la parole aux habitants et habitantes de ces quartiers prioritaires et on essaie de les convaincre de nous, d'abord, de nous conter leur parcours de vie. Et à partir de là, s'ils disent oui, on fait un entretien individuel. Ça peut durer 4 heures, parce que les gens ont beaucoup de choses à nous raconter au final. Et à partir de là, on fait un petit résumé et on crée ce qu'on appelle le catalogue de la bibliothèque vivante. On va avoir 10 à 12 résumés de vie de ces habitants-là. Et le jour J, le jour de la bibliothèque vivante, les lecteurs vont pouvoir consulter ce catalogue et dire, voilà, moi, je vais passer 20 minutes avec Anne-Marie, je vais passer 20 minutes avec Fawad, avec Yolande, avec Najima, avec Alexandra, avec Ginger, certainement. Ah, voilà. Oui, Ginger, quoi ? J'y serai, moi, le 19 octobre. Ouais. C'est ça. Le 19 ouais. octobre. Donc voilà, Ginger, elle participe à l'événement tout à l'heure, j'ai entendu, de Wine, Rugby and Wine. Oui, oui, oui. Oui. Mais elle va aussi participer à la bibliothèque vivante qui aura lieu le 19 octobre à la médiathèque Cerverol. Et donc là, on vient d'en faire deux. Alors, dans cette rentrée, on en a fait une le 7 septembre à Bonnefoy. C'était la première fois qu'on donnait la parole aux habitantes de Bonnefoy. Mmh. Et on en a fait une le 11 septembre, donc hier, en fait. Hier. Et les prochaines, c'est le 28 septembre à la sortie du métro faculté de pharmacie. Là, c'est hommes et femmes habitant ce quartier-là qui peuvent être livres vivants. Le 5 octobre, ça aura lieu de 15h à 17h, toujours, hein, de 15h à 17h à la médiathèque d'Ampalo pour les 10 ans d'Ampalo. Où là, en fait, ça sera encore à nouveau les habitants d'Ampalo qui vont se transformer en livres vivants. Le 19 octobre, à la médiathèque Cerverol à Soupetard, toujours de 15h à 17h. Et la spécificité de cette bibliothèque vivante, c'est que c'est une bibliothèque vivante avec des livres vivants femmes. Donc, on va avoir que des femmes qui vont se transformer en livres humains. Et enfin, la dernière, c'est le 2 novembre, de 15h à 17h, à Bellefontaine, à la médiathèque Grand M. Et là, c'est hommes et femmes habitants du quartier. Mais pourquoi des fois juste des femmes et d'autres fois mixtes ? Mais c'est la première fois, c'est en 2019 qu'on a... En fait, on a initié ce projet-là qu'avec des femmes pour la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Mmh. Et on a investi un nouveau territoire prioritaire qui est les arènes. Donc là, ça avait tout son sens que les livres vivants soient toutes des femmes. Et en fait, on s'est dit, allons-y. On a investi deux nouveaux territoires aussi cette année. C'est Bonnefoy et Soupetard. Et c'est aussi des femmes. Mais sinon, c'est vraiment... C'est pas du tout quelque chose qu'on souhaite forcément développer plus, puisque tout le monde... Enfin, pour moi, tout le monde est inspirant, que homme ou femme, on peut tous être inspirant. Et donc, on peut tous être inspiré par les parcours de vie des habitants. Et est-ce que, du coup, il n'y a pas de profil type des livres vivants, en fait ? C'est vraiment tout type de parcours, ouais. Type de vie et... Exactement. Parce qu'en fait, nous, on a un seul critère pour... Pour être livre vivant dans les bibliothèques vivantes que nous organisons, c'est vivre dans le quartier où on s'installe. Et donc, et on considère aussi qu'on a tous quelque chose à partager à l'autre. Donc, on peut tous être des livres vivants. On a tous forcément vécu des choses qui sont partageables et intéressantes pour les autres. D'accord. Donc, tout le monde peut être livre vivant. On est tous des livres vivants. Est-ce que c'est pas trop dur de résumer la vie de quelqu'un sur une petite page C'est oui, horrible. Ah. Je m'arrache les cheveux. C'est la partie que je déteste. Parce que voilà, moi, je fais des entretiens assez poussés. parce qu'en fait réellement j'adore écouter la vie des autres. De nature je suis curieuse, donc là en plus c'est pour mon travail, donc j'en profite. Et souvent ça dure minimum 2 heures et maximum pour moi 3 heures et demie pour l'instant. Et c'est vrai que résumer, en donner envie à un autre lecteur, j'ai envie de tout mettre en fait, parce que tout était intéressant. Mais bon, c'est un exercice. Maintenant, j'apprends à le faire et on m'aide aussi des fois à le faire. Donc voilà. Donc c'est très dur. Ouais. Ça marche bien ? Il y a du monde ? Oui, ça marche assez bien. En fait, moi, Donc nous, en fait, pour tout vous dire, on a commencé ces projets-là en septembre 2017. La première fois qu'on l'a fait, c'était à Ampalo. Moi, j'avais jamais organisé de bibliothèque vivante. J'avais été contactée 2 ans auparavant ou 3 ans auparavant pour être livre vivant. J'avais trouvé ça génial. Et voilà, moi, comme tous les événements que j'organise au sein de l'association avec, ben, j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas personne, mais il y a toujours du monde. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est pourquoi on fait ça. C'est pas juste... voilà, il y a vraiment du lien social derrière ce projet-là. Il faut savoir aussi que souvent, dans les quartiers prioritaires, on dit souvent qu'on ne donne pas la parole aux habitants. Les habitants n'ont pas forcément la parole. Donc là, ils sont vraiment au centre du projet. Voilà. Et le savoir et l'expérience vient d'eux, en fait. Le partage, la transmission de l'expérience, du savoir, ça vient d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que au-delà du fait que les habitants de ces quartiers-là participent, en fait, on apprend des choses d'eux, quoi. Bien sûr. Et ça valorise les parcours de vie, ça lutte contre les préjugés, contre les discriminations. Et surtout, ça crée des rencontres totalement inattendues. On a des personnes qui ne se seraient jamais croisées autrement. En fait, je ne sais pas si je peux vous lire quelques petits... Allez-y, on a le temps. Je suis passionnée, je parle trop, il faut me dire stop. Allez-y, il n'y a pas de problème. Pour une fois, on est à l'heure, on est même en avance, je vais vous dire. Alors, allez-y. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la bibliothèque vivante, ça dure 2 heures. Ouais. Les emprunts de livres vivants durent 20 minutes maximum pour pouvoir ensuite laisser la place à d'autres lecteurs pour emprunter cette personne-là. Et à la fin, on fait des petits questionnaires d'évaluation. Et on peut récupérer des paroles de lecteurs pour nous compter un petit peu l'expérience, leur avis, comment ils ont vécu cette expérience-là. Donc, vous pouvez aller sur notre site, il y a plein de paroles de lecteurs. C'est quoi le site Ah oui, pardon, c'est assoavec.org. Voilà. On a aussi une page Facebook, c'est @assoavec en majuscule avec. Donc voilà, quelques petites paroles pour une bibliothèque vivante. Là, c'était voilà, un vrai régal. Quel privilège de pouvoir avoir une autre image, une autre réalité aussi intime. Souvent dans la vie, on a envie de connaître mieux la vie des autres, mais on n'ose pas demander. Là, c'était vraiment un moment privilégié de partage humain. Il y a aussi voilà, échange très sympathique et enrichissant. On a même un peu dépassé le temps de lecture. Donc effectivement, des fois, ça peut pas dépasser les 20 minutes. Ouverture sur des vies très différentes qu'on n'aurait pas découvertes autrement. Et encore beaucoup, beaucoup d'autres commentaires laissés par les lecteurs et aussi par les livres vivants. Voilà. Est-ce que c'est seulement en français ou c'est possible d'entendre quelque chose en Occitanie ou en espagnol ? Alors, on peut avoir des livres vivants de divers horizons. Donc, on a eu, franchement, quasiment pas tous les pays représentés, mais en tout cas pas mal de cultures. Donc, des fois, on a des livres vivants qui ne parlent pas forcément bien français. Mais, par exemple, quand cette personne ne parle pas très bien français, on peut mettre dans le résumé par l'arabe, par l'anglais, par l'espagnol. Et bon. Sinon, on peut faire appel à des dictionnaires vivants. Ah, c'est voilà. Ah, vous allez via les dictionnaires aussi qui sont vivants. Eh oui, ça fait beaucoup de vie. Donc, oui, souvent, enfin, on l'a fait quelques fois. Ouais, quelques fois dans l'équipe, quand on a quelqu'un qui parle pas, on a un lecteur qui parle pas français et qui parle anglais, ben nous, on est là pour traduire. On a même eu un bénévole qui parlait roumain. Et on a eu des lecteurs qui passaient par là et qui ont voulu emprunter un livre vivant, mais qui parlait pas français. Et il a traduit en roumain. Il a fait la traduction roumain-français. Tout c'est possible. Tout est possible. C'est la magie de la bibliothèque vivante. Et j'ai oublié de dire, en fait, ça se passe dans l'espace public. Donc, s'il pleut pas, ça se passe à l'extérieur. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à offrir une parenthèse culturelle aux passants. Les gens qui passent, ils voient cette installation avec une dizaine de tables basses, 20 chaises, comme une terrasse de café. Et les gens, ils sont intrigués, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent voir, ils viennent voilà. Et là, participer. On leur explique et on leur dit, mais venez emprunter un livre vivant. Donc, eux-mêmes, à la base, là, pour bonne foi, il y avait quelqu'un qui avait écrit, si on m'avait dit ce matin en me réveillant que j'allais vivre ce moment, j'y aurais pas cru. Donc, en fait, c'est vraiment en passant, des fois, on a cette La cette culture magie. Accessible à tous. Exactement. Et improbable avec ce moment. Tu me disais la dernière fois que t'aurais aimé que ce soit ton idée. Oui, parce que moi, en fait, c'est un projet que j'adore trop. Quand on en a parlé en 2013, j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, c'est pas moi, ça. Alors, je suis une fille géniale, mais cette idée géniale ne vient pas de moi. Non, je rigole. Et en fait, ça vient du Danemark. Donc, c'est né au Danemark dans les années 2000. Et ça a été créé à la base pour lutter contre les discriminations. Et donc, après, ça s'est essaimé un peu partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, on a des bibliothèques vivantes qui s'organisent un peu partout. Alors, nous, on a une petite spécificité puisque nous, on donne surtout la parole aux habitants des quartiers prioritaires et on a un peu changé le format. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir vécu une discrimination pour être livre vivant. L'idée, c'est vraiment de créer des rencontres, des rencontres entre des personnes qui se seraient jamais rencontrées. Et aussi, voilà, on a aussi des talents dans les quartiers. On a aussi des personnes qui ont des parcours, super, mais on a aussi des personnes qui peuvent inspirer d'autres personnes. Juste une petite parenthèse, on a eu une livre vivant qui a été victime de violences conjugales. Et en fait, c'est ça la force de la bibliothèque vivante. On a eu une dame qui a emprunté cette personne-là. Et nous, on ne savait pas son parcours à cette dame-là. Et c'est après, quand on a fait le débrief avec le livre vivant, en fait, cette dame-là l'a emprunté parce qu'elle-même, elle vivait des violences conjugales. Et ça l'a vachement touchée d'avoir des conseils de cette dame-là qui a vécu pendant des dizaines d'années des violences conjugales. Très bien. On continuera après d'en parler. On parlera aussi de la bière. Il y aura le coup de cœur, coup de gueule. On parlera éducation avec Paola et du bon vivre, encore une fois, à Toulouse. Mais cette fois avec Ginger. On en parlera tout à l'heure. En attendant, on se va s'écouter un petit peu de musique avec Jane. Alors, je bouscule un petit peu le conducteur. On s'écoute Jane. On se retrouve tout de suite après. Aussi en live sur Facebook. Faut se le dire avec Alexandre Cavassa de 18h à 20h. C'est pas... Oui, on m'entend. L'homme pâle, trop beau. Voilà, Jane ne voulait pas tout simplement partir. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire. On est ensemble jusqu'à 20h. Jingle. Vous aimez Faut se le dire à la radio? Vous nous adorerez en live sur Facebook. Et on va passer au coup de cœur, coup de gueule. C'est moi qui les ai là aujourd'hui. Là, je vous dire, là, je suis chaud. Là, je vais les sortir. Hier, je me suis énervé devant les infos. Je me suis dit, je vais en parler. Ça va être le moment les grandes gueules que j'écoute beaucoup sur RMC. Donc là, je me prends un petit peu pour Olivier Marchal. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà, appelez-nous 32. Alors, 32-16, je crois, je sais plus. J'ai un coup de gueule, moi, aujourd'hui. Voiture brûlée, policiers et pompiers pris à partie. C'était une nuit de tension à Quimper. C'était de mardi à mercredi. Voilà, donc en fait, je vais résumer. J'ai le papier sous les yeux, mais en réalité, c'est tout simplement des personnes qui appellent des pompiers. En brûlant des voitures, ils mettent le feu aux voitures, aux motos, un petit peu à tout. Du coup, les pompiers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se déplacent, ils viennent, et là, ils sont caillassés, tout simplement caillassés. Il y a eu des blessés graves. On va rappeler qu'il y a de plus en plus de suicides chez les infirmiers, infirmières, chez les pompiers, chez les policiers. Je crois qu'on a policiers, on en est à 49 depuis aujourd'hui ou hier. Voilà, et ça, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce que qu'on s'en prenne aux policiers dans les quartiers, c'est totalement con, stupide, idiot, parce que c'était là que ça se passait, hein, beaucoup. Moi, je viens de Marseille, il y a des endroits où tu peux même plus rentrer. T'y vas, t'es attendu à la Kalachnikov, au sens propre du terme. T'es attendu réellement avec une mitraillette, une arme de guerre qu'utilise l'armée. Et les policiers y vont tout simplement pour faire leur boulot, parce que les premières victimes dans les quartiers de la drogue et tout ça, ben, c'est les gens qui habitent là-bas, qui n'ont rien demandé à personne, voilà, qui ont le seul moyen de pouvoir s'installer là, et qui sont laissés à l'abandon parce que les policiers ne peuvent même plus y mettre les pieds. Parce que les juges, à mon avis, c'est mon avis personnel, sont un petit peu trop lents à réagir, et quand ils réagissent, c'est souvent à côté de la plaque. Et donc voilà, et là maintenant, c'est les pompiers qui sont pris à partie, c'est là où je piche pas, qui s'en prennent aux policiers parce qu'ils touchent à leur business. Ok, ça s'explique, hein, on joue aux cow-boys, aux bandits, tout ça, mais aux pompiers, c'est des mecs qui viennent pour sauver vos vies, voilà, et qui, eux, au péril de la leur, et surtout ils le feront tout le temps. Donc voilà, et j'aimerais, je voulais passer ce coup de gueule parce que je commence un petit peu à en avoir, comme beaucoup de gens, je crois, ras-le-bol de voir aux infos des pompiers qui témoignent en disant voilà, moi je me suis fait agresser, je voulais aider une vieille dame qui était tombée dans l'escalier, ou même éteindre un feu qui avait été allumé par des cons juste avant. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Est-ce que c'est moi qui suis un petit peu trop réac et qui m'énerve un peu trop? Je comprends pas l'utilité en fait. Je veux pas dire que la police, je trouve ça utile, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je vois pas l'idée qu'ils ont derrière la tête. Est-ce que c'est juste pour s'amuser en fait, ou est-ce qu'ils ont vraiment... J'ai l'impression, c'est souvent ce qui en ressort, c'est qu'ils s'amusent. Certains veulent aller en taule, tout simplement, parce que ça fait une belle carte de visite à la sortie. Voilà, ou alors c'est pour distraire, je sais pas. Et on a beau me trouver, moi je commence à en avoir ras-le-bol. Oui, mais c'est dans les quartiers, ils sont coupés du monde. Non, au bout d'un moment, pas coupés du monde. Hein, je connais plein de gens qui vivent dans les quartiers qui sont pas coupés du monde du tout. C'est qu'il y a deux façons de s'amuser. Moi, à mon époque, et je suis pas vieux, hein, j'ai 28 balais. À mon époque, qu'est-ce que je faisais? Je sonnais chez le voisin et puis je me barrais en courant. Tout le temps, il savait que c'était moi. Ou alors je balançais des bombes à eau. Quand il y avait des copains qui passaient dans la rue, c'était pas non plus. Voilà. Et là, qu'on en soit pour s'amuser, parce que c'est souvent l'argument qui est tombé, à brûler des bagnoles de personnes qui sont garées là, qui n'ont rien demandé à personne, ils ont besoin pour bosser. Les assurances, on le sait, c'est comme les juges, ça met du temps. Tout ça, et des fois, c'est même pas pris en compte. Hein, c'est de quoi je parle. Donc voilà, au bout d'un moment, il y a d'autres façons de s'amuser. Je sais pas s'il y a des dealers qui nous écoutent, amusez-vous autrement. En plus, voilà. Les pompiers, ils sont sexy, quoi. En plus, ouais, Guillaume. Même totalement. Et puis à force, enfin, les pompiers ne vont plus se déplacer du coup. À force, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui se passe avec la police. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe avec la police. La police ne veut plus, enfin, se déplacer. Quand elle se déplace, elle se fait tirer dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai un avis très réac, hein, là-dessus. Hein. Au bout d'un moment, tu tires avec Kalachnikov, tu vas avec un tank. Même si tu tires pas, qu'on s'amuse à te tirer dessus. Et puis voilà, ça finit. Ça va Personnellement, c'est mon moment à moi là. J'ai peur que ça se termine en espèce de guerre. Ça nous avait été annoncé par l'ancien ministre de l'Intérieur et je me demande comment ça va se passer, surtout que ça s'accélère. Et maintenant, j'ai peur aussi, si je pourrais rajouter mon nom, qui a pris du trop laisser faire du coup, vu que la police ne peut plus accéder du coup à ces quartiers qui sont visés, malheureusement. Et moi je pense à ces gens qui habitent là-bas. Exactement. et qui n'ont rien demandé à personne, qui élèvent leur famille et ça se passe très bien, et qui pour une bande j'ai même pas d'autres mots. Voilà, c'était mon moment. Papy Mongeau, Papy Mongeau, il est pas content. Voilà, parce que les pompiers, à un moment donné, voilà, les policiers, je vois, 49 suicides. Voilà, et on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Voilà, c'est comme les infirmiers, infirmières qui sont en grève en ce moment, on n'en parle pas beaucoup. Ça tourne beaucoup là aujourd'hui. C'est pareil, j'ai eu par exemple, il y a une conférence de presse par Agnès Buzyn. Buzyn, pardon, là. Ministre de la Santé. Enfin, faudrait peut-être aussi voir du côté vraiment des chefs hospitaliers et pas viser toujours du côté des ministres pour vraiment voir les choses qui bougent. Au bout d'un moment, faut aller voir les gens qui sont concernés. Faut aller voir aussi les patients qui vont se faire soigner, ce qu'ils ont à dire aussi. Et tout le personnel qui travaille, justement, qui est dans ces conditions de travail. Voilà, tout le monde. Et voilà, ça serait bien au bout d'un moment d'arrêter de nous dire que tout va bien. Voilà, moi j'allume les infos, il y a des grosses manifestations en ce moment, des grèves, et je vois quoi? Je vois, pardon, mais Jean-Luc Mélenchon qui est là en train de dire complot contre moi. Je dis, au bout d'un moment, ça va quoi? Arrêtez, parce qu'un jour ça va péter. Voilà, c'était mon moment. Papy, bonjour, plus personne à réagir là-dessus? Je sais pas, oui, non, on passe au coup de cœur. Parce qu'il y a des choses qui se passent bien quand même en France. Des choses qui se passent bien. Et mon coup de cœur, c'est une association, justement on parlait des bières. Cette association veut ouvrir 1000 cafés pour faire revivre les villages de France. Voilà, parce que c'est vrai. Moi, j'ai fait l'expérience l'an dernier. On pouvait... ça y est, ma maman, qui nous écoute d'ailleurs, il passe le coucou. On avait pris la voiture pour aller, c'était le printemps, début été, pour aller un petit peu visiter la région. Et on s'est dit, bon, on va s'arrêter à tel endroit, il y aura un café, le village, il va être vivant et tout ça. Et en fait, pas du tout. C'est complètement mort. Alors, c'est un coup de cœur, coup de gueule. Parce que depuis qu'il y a des centres commerciaux, forcément, tout le monde a déserté les villages. Et voilà, pour moi, la solution est radicale, mais ça serait tout simplement de les fermer pour refaire vivre ces endroits où il y aurait moins de pollution, moins de gens qui se déplacent pour aller travailler, pour aller vivre en ville. Il y aurait un commerce local avec des agriculteurs locaux. Je vois pas pourquoi on ne remettrait pas en place. En fait, je vais pas l'appeler coup de cœur, coup de gueule, appelé moment réac. Pourquoi on ne mettrait pas en place un système qui a très bien fonctionné? On parle souvent de la belle époque, cette belle époque-là, voilà, j'aimerais qu'on la remette en place. Et bien, c'est le groupe d'économie sociale et solidaire, SOS, qui lance ce jeudi un appel à projet, donc aujourd'hui, de 32 000 commune de moins de 3500 habitants afin de créer ou reprendre 1000 cafés en milieu rural pour en faire des lieux de vie ouverts à tous. Il ne s'agit pas seulement de rouvrir de simples débits de boissons, ces lieux seront des bistrots mais aussi des relais de poste, des points d'accès numérique, des épiceries et des dépôts de pain. Le groupe SOS précise qu'ils seront aussi un lieu de vie pour les acteurs associatifs locaux, un lieu de programmation culturelle, un relais de mobilité, un point d'accompagnement et de convivialité pour les seniors, notamment qui sont souvent très seuls et qu'on met facilement en EHPAD, alors qu'ils pourraient très bien vivre une vie de village où il n'y a pas besoin d'ascenseur qui tombe en panne, où il n'y a pas besoin de faire je ne sais pas combien de kilomètres pour se rendre au petit Super U du coin ou au Carrefour Market qui nous vend de la merde. Voilà, je trouve cette action très belle, c'est SOS. Voilà, et j'espère qu'ils vont y arriver parce que c'est pas encore fait, c'est toujours un peu compliqué ce genre de projet quand ça rapporte pas beaucoup. Oui. Donc voilà, je leur souhaite bien du courage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tout ça, les villages, qui vient de villages un peu où ça il y a les noms, mais ouais. SOS. SOS. Signifie nous besoin de quelques places, quelques endroits pour partager. Parce que si tu penses, tu prends le métro, par exemple, pour aller à travail. Après, tu sors, prends le métro, arrive chez toi. En quel moment tu as le temps et la disponibilité de partager un café avec quelqu'un? C'est désolé, je dois rentrer chez moi. Et après, désolé, je dois rentrer au travail. Mais c'est pour ça que je pense que c'est un bel nom. SOS, fais attention. Ça fait un moment que je le dis, au bout d'un moment, il faudrait peut-être ouvrir les commerces de village. Parce que ça va loin, c'est pas que les commerces, c'est pas qu'un confort. C'est aussi, du coup, il manque des médecins. Il manque tout ça. T'as un médecin, t'as je sais pas combien de personnes qui attendent toute la journée. Le médecin, il travaille jusqu'à pas d'heure. On en avait un dans mon village. Enfin, du village d'à côté, parce que celui du village, il n'y avait plus un moment. Il se déplaçait sur plusieurs villes, villages à côté. Enfin, il n'y avait plus de vie, ce monsieur. Donc voilà. Et après, on se plaint qu'il n'y a plus de docteurs dans les petites communes, qu'il n'y a plus d'école. Parce que forcément, s'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de gens qui viennent habiter parce que c'est pas évident. Ensuite, on pollue plus parce qu'on se rend à la ville d'à côté. Donc, on prend la bagnole, souvent diesel, parce que c'est économique. Au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on s'en prenne aussi à l'automobiliste. Il roule avec ce qu'il peut. On aimerait tous rouler vert. C'est pas que les seniors, quoi. Enfin, c'est aussi les agriculteurs. C'est là où j'allais en venir aussi. C'est du coup ouvrir des commerces locaux suite à ça, pouvoir du coup faire travailler l'agriculteur du coin qui vend à cet endroit-là. Comme je disais, c'est moins pollué. Tout est bien. Du coup, t'as des agences immobilières qui se montent, t'as des médecins qui reviennent, et tout ça s'est arrêté au moment. J'ai des témoignages au moment où les centres commerciaux. Exactement. Où je vais aussi. Il y a un moment, j'ai arrêté de le faire, mais je commandais carrément mes courses en ligne. J'allais récupérer au drive, quoi. J'en étais là. Et là, je me suis dit, tu déconnes, va plutôt chez ton boucher qui est en bas de chez toi, où tu mangeras, tu auras ce que tu bouffes. Et je pense que, en ville, c'est plus facile, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a du monde, ça vit. Mais ça serait bien de faire pareil dans les communes. Tu parlais des centres commerciaux, justement, il y en a un qui voulait se construire, je crois, c'est le projet Val Tolosa. Aussi qui est remis en question beaucoup par les riverains, les projets immobiliers qui veulent, se mettre justement en place. Ce sujet est assez controversé, ville dans une ville et qui va tuer du coup tous les villages qu'il y a autour, justement. C'est assez problématique. Moi, je peux comprendre, je viens d'un petit village, au début je voyais Val Tolosa, je me suis dit super, c'est grand, il va y avoir un petit lac, un petit machin. Sur le coup, c'est vendeur, je comprends que les gens ils se disent c'est vachement bien, on ira y passer nos après-midi et tout, avec un semblant de nature parce que c'est pas en ville, mais en réalité non, ça tue absolument tous les commerces. Moi, je vais aller chez l'épicier du coin, j'ai un Carrefour Market, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est même plus où les mecs, ils ont une fiche de poste, souriaient aux clients. Enfin, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu en bas de chez moi. Je les aime beaucoup. Ils sont très gentils en dehors de ça. Mais bonjour, un machin. Enfin, c'est noté. Il n'y a plus de naturel. Il n'y a plus rien. C'est catastrophique, ça. Voilà, alors que quand on va chez son boucher, machin, je te rajoute ça, pour le coup. Il y en a un à côté de Cavaillon qui fait un ancien rugbyman aussi, qui a un camion de boucherie. Il nous a filé, je ne sais pas combien, de cam gratuites, quoi. Comme ça. Parce que à la bonne gueule et parce que c'est commercial et puis voilà, c'est ce qui manque. Voilà, quand tu vas à ton Lidl du coin, je suis désolé, t'as une viande de merde. Au bout d'un moment, il y a du poulet, j'arrive même plus à le cuire. Voilà, je cuisine, je peux même plus cuisiner ce poulet. Donc, j'ai une super blague sur les boulangers. Allez, vas-y. D'accord. En fait, c'est Dark Vador qui va à la boulangerie et la boulangère, elle lui dit mais qu'est-ce que vous voulez? Et Dark Vador, il dit du pain, pain, pain, tartatin, tartatin. Voilà, on peut passer à autre chose. Merci, Ginger. Je suis libertine, je suis une tatin. Ouais, j'avais ça là, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on clôt les. Enfin, il n'y a même pas de débat, je pense qu'on est plus, plus ou moins d'accord, je crois. Mais on est d'accord et pourtant on y va. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que, même des fois, ben, par facilité, ben, je passe par le truc. C'est la société de consommation. J'en reviens par exemple aussi à la braderie, autre sujet. Mais par exemple, la braderie de Toulouse. Ouais. Pour moi, une braderie, c'est aussi le dimanche. Le dimanche, les gens flânent, tu vois. Et ben, la braderie de Toulouse, qui était la semaine dernière, n'a pas eu lieu le dimanche. C'était de jeudi à samedi. Alors aussi, ça, une question. Ça, je crois que c'était pour rattraper par rapport aux gilets jaunes, aux manifestations. Ben, il y avait eu ça une première fois. C'était les élus qui avaient mis ça en exactement, place. Exactement, en juin. Voilà, pour justement refaire tourner un petit peu les commerçants. Qui mais à ce moment-là, si tu veux refaire retourner ton commerce, tu ouvres le dimanche, tu vois. La braderie, elle est là le dimanche. Et ça aussi, j'avais pas trop compris ce. Bon, voilà, mais pour en revenir aussi au niveau du commerce et son attractivité. Après, les gens, ça leur plaît de passer leur week-end dans un centre commercial, faire les boutiques et acheter des trucs. Enfin, c'est malheureux, mais on va pas dire. C'est même pas aux gens que j'en veux, c'est que moi le premier, tu vois. Moi le premier, je vais facilement à Fenouillé ou à la Belge. Et voilà, t'as tout sous la main. Mais le problème, c'est que du coup, on a été élevé comme ça, et il faudrait peut-être que ça change, qu'on se dise que. Alors, il y a un faux semblant, comme je disais, les petits Carrefour Market, on est votre petite épicerie du coin. Non, t'es Carrefour, quoi. Et là, j'ai beaucoup aimé, moi, par exemple, il y a eu. Ils avaient ouvert je crois que c'était un Carrefour, justement, sans personnel dedans. C'est-à-dire juste des agents de sécurité, où la fin, finalement, tu passais devant un robot. Donc, tu veux un conseil, tu veux un avis, tu vas sur Google et puis tu te démerdes. Et là, en fait, voilà, et il y a un mouvement qui s'est monté, qui est allé dans le magasin au moment de l'inauguration, donc il n'y avait pas de personnel, et qui s'est amusé à laisser des chariots en plein milieu, à sortir des produits frais, les mettre dedans. Donc, forcément, une fois que c'est sorti du frigo, ils ne peuvent plus les remettre. Donc, ça aussi, c'est complètement con au niveau des normes. Mais pourquoi pas? Donc, c'est gaspillé, ça part à la poubelle. Oui, Anaël? Oui, j'avais Martin en ligne au téléphone qui voulait juste te rajouter quelque chose. Ouais. Hier, on était donc en train de préparer des projets pour Radio Occitanie pour la suite. Ouais. Et donc, on a eu le malheur d'aller à Starbucks. C'est pas grave. Non, mais c'est non, pas non, grave. Mais, c'est non, pas... non, mais, ça attends, m'arrive ça, aussi d'y aller. C'est pas fini. Donc, on a vu une personne qui notait les employés sous leurs yeux. Et c'est horrible. C'est enfin, je trouve horrible le fait de travailler sous les yeux de son. De son bourreau, en fait, c'est un peu près ça, quoi. Il y a un épisode de Black Mirror comme ça que je conseille à tout le monde pour les abonnés Netflix où c'est ça, tu te notes et puis à la fin t'as plus accès à tel service ou tel service, quoi. Oui, oui, non, c'est mais selon c'est... comment t'es noté. Et ça existe d'ailleurs, je crois, je sais pas si c'est en Chine ou au Japon. C'est en Chine, voilà, où il y a ça maintenant, quoi, tu te rends compte. Ça existe dans la vraie même, vie. Il y a Blanche Gardin qui en parle dans un de ses spectacles, là, des bornes avec les sourires, là, les petits smileys, content, pas content, que tu, comme ça, t'appuies devant les gens qui sont en train de nettoyer les toilettes, juste. Enfin, c'est violent, quoi. Ouais. Elle passe à Toulouse. Si jamais elle nous écoute ou quelqu'un qui connaît Blanche Gardin, si vous passez à Toulouse, venez nous voir. Je rêverais d'avoir Blanche Gardin en interview ici. Je l'adore, je l'aime beaucoup. J'ai revu son spectacle sur C8 il y a pas longtemps. Donc voilà, donc les centres commerciaux, c'est bien, mais au bout d'un moment, il va falloir trouver des alternatives parce qu'il n'y a rien qui va. On nous fait venir de la viande du Canada, du Mexique, de je sais plus où, et on pollue énormément et on bouffe de la daube, de la merde. pour être moins poli, mais tant pis. Vous êtes toujours à l'écoute de Faut se le dire. On est ensemble, toujours jusqu'à 20h. On est en direct live Facebook. Il y a toujours des places à gagner. Place pour le labyrinthe et château de Merville aussi. Encore une place pour le cinéma Gaumont et pour aller voir le film de votre choix, tout simplement. On a déjà Alexandra qui a gagné tout à l'heure. Et voilà. On pourrait rappeler le numéro de téléphone quand même s'ils veulent nous appeler. Le numéro de téléphone. Oh, vas-y avec ta voix. Donc au 05 61 80 40 40. Ah voilà. Ouais. C'est la voix de nos jingles. C'est notre technicien, celui qui nous donne plein d'idées aussi avec Martin. Grâce à Martin aussi, on peut nous retrouver sur plein de podcasts. Sur celui de Monsieur Gallet. On est ultra connecté. Deezer, Spotify. Voilà, on est un petit peu partout. On va passer à la suite avec un petit jingle pour séparer les deux. Faut se le dire avec Alexandre Cavassa de 18h à 20h. Et le temps passe, toujours. Et justement, on est toujours avec nos invités. D'ailleurs, ça va pour vous? Tout va bien. On reparlera de vous à un moment donné. C'est moi qui me rends compte que je dépasse totalement au niveau des horaires. Un petit peu comme d'habitude, mais à la fin, on tombe toujours sur nos pattes. On parle éducation et tu vas nous faire passer un test. Oui. Paola. La semaine dernière, nous avons parlé des premiers jours de la rentrée à niveau d'école, collège, lycée, université, etc. Ouais. Et nous avons parlé aussi qu'il y a différents styles d'apprentissage. Les styles d'apprentissage d'une personne représentent la ligne d'apprentissage et souvent dominant, mais la personne peut aussi présenter une combinaison d'autres styles. C'est pour ça que aujourd'hui, quel est votre style d'apprentissage? Ah. Si tu es visual, auditif ou kinesthésique. Mais au début, je voudrais orienter un peu notre auditeur, parce que si tu cherches sur Internet différents styles d'apprentissage, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, parce que l'information entre dans notre cerveau, pas seulement à niveau de la perception, sino aussi dépend de votre personnalité, si tu es extroverti, introverti, si dans la personnalité tu es pragmatique, réflexif, concret. Mais mon idée toujours, c'est faire un soutien et beaucoup de suggestions pratiques à tous les parents qui aient d'enfants dans l'apprentissage, mais n'importe quel niveau. Donc, maman, d'accord? Maman, tu écoutes, donc voilà, tu et sauras. Plus ouais. Oublie tous les pragmatiques, réflexifs, introvertis, non. Aujourd'hui, simple, seulement, je suis visuel, auditif ou kinesthésique. C'est tout, d'accord? Sur Internet. Et je laisse les tests sur la page de Faut se le dire, d'accord? Ouais. Parce que les tests comptent de 30 questions. Okay. Mais il y a beaucoup de tests. Aussi, à la fin, je donnerai quelques suggestions de où trouver. Voilà. Ah, oui. Aujourd'hui sera un moment sympa. Ouais. Nous pouvons partager différentes expériences. Par exemple, Alexandre, question number one. Oui. Le musique de suspense. Première chose, je me divertis. Alternative A, je regarde la télé, je lis un livre, je fais des mots croisés. Alternative B, j'écoute de la musique, je parle avec quelqu'un, un ami par exemple. Alternative C, je fais des arts, des sports, je joue un jeu de salon par exemple. A, B ou C? Alors moi, c'est pas la C direct, c'est pas la C. Moi, je dirais la A et B. Hein. Il faut en choisir qu'un de toute façon. Oui, un. Allez, bah A, c'est ce qui me vient à l'esprit. Tout regard, tout voilà. Ouais. Deux, j'achète un nouvel appareil et je veux m'en servir. Alternative A, je lis les directives, je regarde les diagrammes, je regarde une vidéo qui l'explique. Alternative B, j'en parle avec quelqu'un et j'écoute ses explications. Alternative C, j'essaye l'appareil tout de suite, plusieurs fois, en tentant différentes choses, ensayer erreur. Ah, moi, c'est la C direct. C'est toute l'équipe, ouais. C'est la C. Et au bout d'un moment, je vais voir les vidéos sur YouTube. Mais tu essayes quand même. Et je m'énerve, je casse tout. Et ensuite, moi je vais voir comment le réparer et comment ça marche. Dans chez moi, jamais je lis les instructions. C'est mon mari qui fait tout ça. C'est pas drôle, quoi. Parce que monter un mobilier avec le plan, c'est pas drôle, quoi. Troisième question. Je mémorise une information. Je mémorise une information. Alternative A, je crée des images dans ma tête. B, je répète l'information à haute voix. C, je prends des notes. A, B, C. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Je dirais C. Tu prends des notes. Ouais, je prends des notes, ouais. D'accord. 4. Je dois résumer un texte. Ouais. A, voilà. J'écris le résumé ou j'illustre les tests. J'ai fait l'illustration de les tests. B, je résume les tests à haute voix. C, je mime les textes ou j'ai fait des gestes avec mes mains. Moi, c'est à haute voix. Haute voix, c'est-à-dire la B. Ouais, c'est la B. C'est dommage que tu mimes pas tout ce que tu lis, ça serait. Oui. ça serait. 5. Je dois m'orienter dans un centre d'achat. A. Je consulte un diagramme ou une carte. B. Je demande des directives à quelqu'un. Ou C. Je me promène ici et là pour découvrir où je suis. Moi, c'est C. Voilà. À direct. Ouais, d'accord. Je suis claire maintenant. Indiana Jones du centre commercial. D'accord. 6. J'ai choisi mon activité préférée. A, j'ai fait un casse-tête B, j'ai identifié des chansons à partir de mes CD. C, j'ai joué un jeu de rôle. Est-ce que je peux demander un appel à un ami? Oui, je disais 55. On peut répéter? Oui, pour choisir mon activité préférée. Ouais. A, j'ai fait un casse-tête. B, j'ai identifié des chansons à partir de mes CD. Ou C, j'ai joué un jeu de rôle. Pour choisir. Ouais, mais c'est la B, moi. D'accord, la ouais. B. La B. C, je pense à une expérience passée. D'accord? Ouais. A, ouais. J'ai une image claire dans la tête. Plus ou moins, oui. B, j'entends les sons associés à cette expérience. C, je ressens un sentiment fort. Agréable quand même. Oh, merci pour la musique. J'allais dire, merci aux techniciens pour bien. Qui organise des millions. Ouais, la dernière. La dernière. C. Ah, je suis un émotif. Tu ressens un sentiment ouais, fort. Ouais. C'est ça les choses ouais, que ouais, tu ouais. plus rappelles. Ouais. 8. J'ai tout seul. Ah, désolé. A. J'ai tout seul dans un endroit tranquille. Ouais. B. J'échange avec d'autres personnes. C. J'écoute de la musique en étudiant. Et si j'étudie pas la C. Avec des musiques de fond. Ouais. 9. J'ai choisi une carrière dans les arts. A. Je suis un dessinateur aux peintures. B. Je suis un musicien au disc jockey DJ. C. Je suis sculpteur. Moi, ah, j'adore la musique de fond. Oh, petite pression. Oh, moi, je dirais musique. Musique. Bah, oui, direct. En fait, il n'y a même pas de suspense. C'est musique. Tu es un musicien. J'ai des musiques avant de dire maman. Hein. D'accord. Ouais. Okay, d'accord. C'est quoi, dernière musique, question. Que je fais les... Ah, désolé. Je suis musicien B. B. Ok. Ouais. Dernière question. Ouais. Ah, y a, en plus, c'est la musique de... Oui, oui, dernière question. Qui veut gagner des millions? Situation. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Je oui. porte attention à mon environnement. A. J'observe les objets et les mouvements autour de moi. B. J'écoute les sons qui m'entourent. C. Je ressens des choses comme le froid, la fatigue, etc. Réfléchis. Fry. Encore la musique. Ah putain. Là, ça va carrément exploser. Oh là là. La C. Ouais, la C. La C. La C. C'est-à-dire, combien de A, Ginger? Alors. Un. Ça, je sais compter. Je, tout de suite, je... Seulement un. Ouais, un. B. Trois. Et C. Infini plus un. Un, six. Deux, six. Trois. Ouais, six. C'est six. Ah. Je, comme c'est dit elle. Ah, petite musique de suspense. De suspense pour savoir qui est le style d'apprentissage d'Alexandre. Ouais. Ouais. Ouais. Le style est kinesthésique, Alexandre. Bravo! Bien! Félicitations! Okay, ouais. Vous avez gagné une place pour aller au cinéma. Pour aller au cinéma, mais toi, je vais la garder celle-là. Et donc, on peut savoir c'est... Oui, qu'est-ce que oui, c'est ouais. Oui, les kinesthésiques, attention, les kinesthésiques sont personnes qui préfèrent découvrir les choses grâce à la manipulation et à leur expérience. A besoin de plusieurs pauses pour se découvrir durant ou pendant les longues présentations. Aime les activités physiques telles comme la danse, les sports. Aime écouter de la musique fort en étudiant. Aime les labos de sciences et les activités d'art visuel. A tendance à relier les événements aux actions et aux mouvements. Résout les problèmes pour essais et erreurs. Gesticule beaucoup en parlant et remue beaucoup. C'est tactile ou kinesthésique. Pourquoi c'est important de comprendre et connaître le style de chacun? Dans une classe, si vous êtes très jeune, mais s'il y a quelqu'un dans notre auditoire qui est d'enfant, qui a des problèmes pour prendre toutes les connaissances pendant l'école, qui a des notes très bas parce que l'évaluation ne reflète pas toutes les connaissances ou toute l'intelligence de l'enfant, c'est important de savoir le style. Ouais. Parce que pas nécessairement que le professeur a le temps pour essayer tous les styles différents de passer le contenu. Mmh. En revanche, pendant le moment d'étudier, c'est moi-même que je peux modifier un peu le contenu pour mes enfants, pour mon fils, ma fille, pour aider à qui apprend mieux. Par exemple, si toi c'est mon fils, oui. Il y a une évaluation de l'histoire. Je te dirais, Alexandre, est-ce que tu veux faire une petite maquette, par exemple, de la, je sais pas, de la deuxième guerre mondiale pour prendre tous les accomplissements les plus importants, peut-être un panneau, peut-être une schéma, et pas seulement que le professeur te parle, parce que tu n'es pas auditif. Si tu es visuel, en revanche, tu as besoin de petits maps ou cartes conceptual, ouais, pour prendre bien toutes les connaissances. Ce sont petits détails. Et comme aujourd'hui, pas possible de passer les tests pour tous, chaque jeudi, je donnerai quelques livres pour trouver plus d'informations. Par exemple, ce livre, c'est pas cher. Ouais. Vous pouvez acheter. Il y a une belle librairie en Avenue Toulousaine, s'appelle Ellipse, la librairie. Ouais. Vous pouvez demander pour ce titre, par exemple, Manuel de survie pour la réussite scolaire de mon enfant. Il y a les tests, grands tests, pas aujourd'hui comme de Alexandre, que j'utilise seulement 10 questions. Sont les tests complets. Tu peux passer les tests un week-end, les tests visuels. Oui. Autre jour, les tests auditifs, autre jour, les kinesthésies pour ne pas fatiguer l'enfant. C'est un test sympa que chaque mère ou père peut demander de manière sympa à l'enfant, pas une chose fatigante. Mm. Et après dire, oh, je ne sais pas, petit Alexandre, tu es kinesthésique, c'est-à-dire la prochaine fois que tu dois apprendre quelque chose, c'est bon que tu fais de une chorégraphie ou d'entendre la musique pendant prendre les études. Toujours, c'est bon savoir. Et la dernière chose que je voudrais dire, par exemple, petit seulement deux pour chacun, c'est le visuel, par exemple, et généralement organisé, préfère l'ordre à la minutie. Les auditifs préfèrent recevoir l'information vive voix. Et voilà, c'est aujourd'hui pour un petit essai de trouver le style d'apprentissage. D'accord, bien merci beaucoup Paola, et on retrouvera cette rubrique sur les réseaux sociaux pour, voilà, si vous avez loupé mon test à moi, bah, bon, vous l'aurez. On passe à la suite et on va parler de Toulouse. Je vivre à Toulouse. À Toulouse. C'est tellement faux que ça en est génial. Clément non, Pêche qu'on embrasse. Je fais un effort quand même aussi. Enfin, Qu'est-ce ça? Alors Ginger, tu nous parles de Toulouse, la ville. Oui. On en a parlé en début d'émission et avec Guillaume, et on va en parler avec toi maintenant. En fait, j'avais un ami qui hésitait à venir vivre sur Toulouse et il devait passer aujourd'hui, mais en fait j'avais rien compris, il passe le mois prochain. Donc je vais quand même lui donner des arguments pour venir vivre ici et je vais répondre à sa place. Ouais. Donc du coup, j'ai aussi changé son prénom, il va s'appeler Kevin. J'ai choisi ça par hasard, hein. J'ai rien compris. Donc là, il pose l'aileron à l'arrière de sa 306 GT et on l'embrasse. Voilà, mais je ferai la voix du Kevin aussi. Ah. Du coup, premier argument très sérieux. Toulouse combine la douceur océanique de l'ouest et l'influence de la Méditerranée et de ses chaleurs sèches à l'est. La température moyenne y est supérieure à 13 degrés et les hivers toulousains sont particulièrement doux. Il fait chaud, quoi. Il fait chaud. Mmh. Oh, mais ça, c'est super, dis donc. Ouais, c'est à votre Kevin. C'est à votre Kevin. Qu'on embrasse, hein, toujours, on aime beaucoup. Près d'un Toulousain sur sept est étudiant et seulement un étudiant toulousain sur trois vit chez ses parents. Donc moins de parents et les parents, c'est chiant. Ah ouais, trop cool, ok. 60% des Toulousains ont moins de 40 ans. Si t'aimes pas l'odeur des vieux, c'est un argument. Mais grave, ça pue la mort, les yeux. On l'appelle la ville rose parce qu'il y a des briques roses et que c'est joli le rose. Ouais, mais carrément. On va pas se mentir, c'est orange. C'est beau. Beaucoup de soleil. Ouais, mais bon, c'est joli quand même. C'est joli quand même, ouais. C'est très beau. Près d'un Toulousain sur deux habite une maison. Donc si tu viens, t'as une chance sur deux d'être riche. Je pense. Alors ça, c'est une vraie info. Il y a une armoire à bébé abandonnée. Je m'explique. Oui. L'hôpital de l'Hôtel Dieu possède un petit renfoncement au niveau d'un de ses murs. Il s'agit en réalité d'une armoire pivotante appelée tour, qui permettait de déposer son enfant et de l'abandonner de manière anonyme la nuit. Les sœurs faisaient tourner le plateau pour recueillir l'enfant et lui donner les premiers soins. Mais si tu penses vraiment que c'est une bonne idée d'avoir un gosse, depuis 2014, plus d'un millier de nouvelles places en crèche ont été créées à Toulouse. Ah non, mais moi j'aime pas les gamins, je trouve que ça sert trop à rien. On embrasse toujours Kevin. C'est vraiment gênant. Oui. Kevin, tu pourrais faire un effort quand même pour changer de voix. Depuis 2016, un bar à chat appelé Chapristi a ouvert ses portes. C'est tu peux mignon. Y boire un café ou un double café crème allongé et décaféiné si t'es un peu casse-couille, en compagnie de plein de chats qui te miaulent dessus. Si t'es seul, moche et célibataire mais trop flemmard pour changer une litière, tu peux quand même avoir de la compagnie. Ah, t'as dit litière, c'est dégueulasse. Le premier Airbus a décollé de Toulouse en 1983. Ouais. Voilà, bon, ça on s'en fout en fait. Il y a Kev Adams, M. Pokora et Jules au Zénith bientôt. Non. Il y a Chantal Goya aussi sinon. Non. Ah, je kiffe trop Jules, comment tu le sais? Toi aussi? Comment? Tu kiffes Jules aussi? Voilà. Ouais. Pas du tout. Non, en vrai, j'aime. Voilà. En vrai, j'aime pas. Ça, je peux même pas faire semblant, j'aime pas Jules. Bon. Du coup, tu le passeras pas à l'antenne. Ah, il y a peu de chance. Cool. On a de la bière, on a du cassoulet et on a même de la bière au cassoulet. Ah bon, mais raconte-moi comment ils ont eu cette idée à Bracadabrant. Ah, en fait, c'était une blague entre eux. Je cite. On est plusieurs. J'étais en train de travailler dans ma cuisine quand un ami me dit pour rigoler, je vais faire une bière au cassoulet. Cette idée-là, je l'avais déjà depuis un moment, mais sérieusement. Moi, je pense sérieusement à faire une bière à l'endive au jambon. Mais je sais pas si je vais la faire. Je suis client. Ton avis, je sais pas, oui, ouais, voilà, si on a une invitée. Curieuse d'avoir un avis de professionnel. Oui, on aura l'avis tout à l'heure. Tout est moins cher qu'à Paris. Voilà. Silence. Je pense que. Oui. Je pense que ça, même Kevin le savait. Oui. Les bars ouvrent de plus en plus tard, les voisins se plaignent jamais du bruit. La mairie actuelle soutient à fond la culture et l'ambiance festive. Ouais. Ah non, pardon. Lol. Je me suis trompée. Lol. Un groupe toulousain bien connu nous a proposé de tomber la chemise il y a quelques années. Depuis, on a du style. Et d'ailleurs, c'est un fameux groupe qu'on aura prochainement. On aura prochainement, Zebda. Voilà, je suis en train d'organiser ça. Je l'ai appelé au milieu de l'été, je crois, au début de l'été. Je l'ai appelé pendant l'été. Et voilà, Moussa Moukrane. Et donc, on va mettre ça en place pour l'avoir aussi dans l'émission. Et le dernier argument, c'est que tu peux écouter Radio Occitanie. Et ça, ça déchire sa race. Ouais. Oh, grave. C'est clair, moi j'applaudis. Bien, bien. Oui, oui. Merci, jingle. Oh, pour écouter la belle voix de Clément. Ah ouais, remets-nous le petit truc là qu'on a fait. Journey changing in EU will be a concern. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas ça. Absolument pas, frérot. C'est le jingle problème. Au Toulouse. Avant, il y a fait. On est en direct. Oui, enfin bon. Je vais au Toulouse. Voilà. Au Toulouse. Aussi bientôt la semaine prochaine normalement dans l'émission, faut se le dire. On va se retourner vers les invités, mais avant je vais rappeler quand même qu'il y a des places à gagner, encore une place de cinéma et des places pour le Labyrinthe et Château de Merville. On les remettra en jeu si jamais c'est pas à gagner. Puis de toute façon vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux quand vous verrez le replay de l'émission en vidéo sur Facebook. On se retourne vers nos invités. On va rappeler pour la bière, moi j'ai laquelle ? J'ai la Belladone. 40% de calories en moins. Voilà. Et pour la suite, vous imaginez quoi ? Parce que là, vous avez monté la start-up. On l'a sous la main. Qu'est-ce que pour plus tard ? Alors. Ouais, c'est un peu compliqué. Le studio, on va devoir pousser des murs, rajouter des micros, rajouter. Oui. Alors du coup, là, donc la start-up est créée. On commence le lancement. Enfin, on fait le lancement commercial en ce moment. Donc, je cherche des points de vente sur Toulouse. J'en ai déjà trouvé un à le VNB de la Beige, qui d'ailleurs organise sa soirée d'anniversaire pour ses 5 ans vendredi le 20 septembre. D'accord. Et j'y serai pour proposer de la dégustation de la Belladone gratuitement. Donc, si vous êtes curieux. Vous demandez quel goût peut avoir une bière allégée, vous pouvez passer, vous goûterez, si ça vous plaît, vous pourrez l'acheter et vous pourrez aussi profiter de la soirée d'anniversaire. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour ça. J'applaudis Anaël doucement parce qu'il nous trouve toujours des sons au moment. Allez, viens, bon, un petit coup. Voilà, j'ai pas ça sera pas la maison, ça sera la Beige. On mettra bien évidemment les informations. L'association avec, il y aura aussi un stage au jeu de rôle Grandeur Nature aux arènes romaines. Oui, c'est du 21 au 24 octobre. J'en ai pas parlé, j'ai oublié. J'y ai pensé quand il y avait une question pour dire qu'est-ce que. Moi, je l'ai sous les yeux. Ouais, qu'est-ce que tu ferais si pour trouver une activité. C'était la réponse C, je crois, un jeu de rôle. Ouais, et ben voilà. Pour donc voilà, justement, tu vas venir faire un jeu de rôle avec nous. On organise ça au Musée Saint-Raymond, en partenariat avec le Musée Saint-Raymond. Et pardon, c'est pas au Musée Saint-Raymond, c'est aux arènes romaines. C'est ça. Donc on va avoir une trentaine d'enfants issus des quartiers prioritaires ou pas d'ailleurs, c'est ouvert à tous, entre 9 et 15 ans, qui vont faire un petit stage de 4 jours, faire de l'escrime ludique, du combat d'épée, et ensuite se constituer en équipe et s'affronter autour d'un scénario qui est encore secret. Il y a du tir à l'arc. Oui, il y a ça du revient tir à l'arc. À... J'allais dire aussi, ça, le tir à l'arc revient à fond. Ah, ça marche trop bien, c'est la deuxième année consécutive qu'on le fait, et c'est le quatrième jeu de rôle qu'on organise, et les enfants, ils adorent le tir à l'arc, ils se déguisent et ils jouent des personnages. Par exemple, admettons qu'on ait 16 ans, c'est-à-dire par exemple un an de plus, est-ce qu'on peut quand même le faire? Mais nous, on est gentils, donc bien sûr, on vous accueille. Et même si on est adulte et qu'on veut venir accompagner des enfants de 9 ans, on vous intègre au jeu. L'équipe de Fausse le dire peut y aller, quoi. Voilà, et sinon, si vous êtes encore plus vieux que 16 ans, on travaille en partenariat avec une SCOPE qui s'appelle La Guilde, qui sont spécialisés dans le jeu de rôle. Mmh. Ils en organisent toute l'année. Bon, ça sera un peu payant, et nous, c'est totalement gratuit. D'accord. Voilà, on peut s'inscrire en ligne, encore une fois, assoavec.org. D'accord. Voilà. On mettra toutes les informations, bien évidemment, en lien, en commentaire. Il nous reste, allez, 2 minutes, donc 1 minute 30, pour se dire quelques derniers mots. Pour cette seconde de Fausse le dire, saison de Guillaume, tes impressions. Chaque émission se suit, mais ne se ressemble pas. L'équipe là, au top. Le coup, c'était très culturel, très start-up toulousaine aussi. C'était, voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Alors pour toi, tu reviendras? Ah ben évidemment, je reviens. Je signe pour la saison là, c'est parti. Tu vas avoir droit à un fond blanc, un photographe qui te prendra en photo et tout ça. Et... on me dit oui à la technique. Elle me dit oui. Pour tout le monde, on reparlera d'éducation la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, nous commencerons à toucher un peu les thèmes un peu plus lourds, tous les troubles d'apprentissage, dès la semaine prochaine. Un trouble d'apprentissage, ça m'intéresse en plus, parce que moi je sais que pour apprendre c'est très compliqué, j'ai besoin de faire. Oui, je sais que c'est beaucoup le cas. Tu devrais faire le test. Je devrais faire le test pour connaître. Moi, tous les tests que tu veux, moi je les fais sur l'éducation, il y a pas de souci. C'est le générique de fin, ça veut dire qu'on arrive à la fin et on se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'écologie. Voilà, on a eu recyclage des canettes, c'est totalement toulousain. Il sera avec nous la boucle verte. Il y aura David Pratas qui viendra me mettre une raclée sous les yeux des caméras. Voilà, parce qu'on va parler sport de combat rapproché et tout ça. Donc je vais me prendre une sacrée rouste. Et il y aura aussi d'autres invités, ce sera la surprise parce que j'ai lancé plein d'invitations. On m'a répondu, bien évidemment, que ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Anaëlle pour la technique. Paola, peut-être un dernier mot? Non, c'est bon. Ça va. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bien sûr, les invités, vous aurez toutes les informations. Et pour les places à gagner, ben, vous nous contactez sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. À demain, moi pour la matinale, toi sur Radio Mon Pays, Jean-Loup. Et on vous fait des gros bisous. Ciao.